Bon, Margie, qu'est-ce qu'elle fait? On n'a pas Margie là. Et bon, et Margie alors? Margie est portée disparue. Ah, bah on a Mathieu. Mathieu qui vient nous venir aux news. Margie a eu un problème d'internet. On est en train de fixer ça. Oui, parce que techniquement, c'est un peu elle qui s'occupe de la présentation de ce podcast. Bref, on veut Margie, ça y est. Donc Margie ne saurait tarder, hein, je pense, les amis. Ouais, donc vous voyez qu'on est en train de meubler un maximum. Parce que Margie n'est pas là. Maintenant, les filles font oh! David, il est en train de chauffer la salle. Aïe, aïe, aïe. Et les gars font ah! Oh, on a Margie, elle est revenue, ça y est. T'as pas mis ton poney, David? Ok, bon, vous êtes prêts? Qu'est-ce qu'il nous fait là, le David? Je sais pas, j'arrive pas à voir. Oh! Alors bonjour à tous, c'est parti pour l'épisode 8 de Jogging Bonito, un épisode un peu spécial aujourd'hui puisque nous sommes en direct via YouTube. Alors big up à tous les bonitos qui sont connectés, il y a du monde sur le chat. Ouais. Pour les autres bonitos, bah écoutez, je ne sais pas si on va pouvoir vous pardonner, va falloir nous envoyer un mot d'excuse, hein, je pense que c'est la seule solution. Et si c'était pour cause apéro saucisson sur la terrasse, on valide pas. Hein. T'es pas d'accord, Emir? Surtout le saucisson. N'importe quoi, le saucisson. N'importe quoi. Donc, épisode spécial, programme spécial. On n'a pas de chronique cette fois-ci. On va privilégier l'interaction avec vous, les bonitos qui êtes connectés, présents sur YouTube. Donc, allez-y, questions, remarques, thèmes que vous voulez qu'on aborde. Vous y allez dans le chat, le but... c'est de partager et d'interagir. On peut faire cette émission avec vous, donc n'hésitez pas. Et vous interagissez quand vous voulez. Et puis, vous endormez pas sur le canapé. Hein. On vous a prévu quelques petites choses. Je vous avais dit qu'il fallait venir réchauffer, donc il va y avoir du défi dans l'air. Avec tout ça, bah, j'ai même pas dit bonjour encore à mes deux acolytes. Salut Emir, salut David. Salut Margie. Un peu de solidarité pour nos amis qui aiment le saucisson. Un peu de respect. Ah ouais. Mais t'es en minorité là, désolé David. C'est pas grave, je représente quand même. Ok, bon alors j'en profite moi d'être en live pour féliciter Emir. Grand grand bravo à toi Emir et à Carole pour ce que vous avez fait ce week-end. C'est superbe. On n'entend pas les applaudissements, la salle là, le chat. La salle est en délire, la salle est en délire. Non, on en reparlera, mais bon, je tenais à te féliciter, Emir, de vive voix. Merci beaucoup, un grand merci. Ok, allez, maintenant qu'on est prêt, on va commencer. Et quand même, les gars, je voulais vous dire une chose. On va essayer de ne pas se faire censurer, s'il vous plaît, sur YouTube. Hein. Donc, on y va mollo. Bon, ça devrait aller, il n'y a pas Rémi avec nous, donc on devrait arriver à s'en sortir. Donc en premier lieu, moi j'ai envie de savoir comment il y a quoi de neuf depuis la dernière émission. David peut-être? Ouais, ben quoi de neuf. Moi je peux vous parler d'une chose qui m'a intéressé ces derniers temps et je suis assez bien placé pour en parler. Vous savez qu'avant j'étais un coureur vendu du marketing, hein, un espèce de vulgaire homme sandwich, hein, qui était au service d'une entreprise vampire qui se nourrit... au sang et à l'argent de consommateurs naïfs un peu qui pensent qu'ils pourraient acquérir mon swag et mon potentiel sensualité en achetant les baskets que je reçois en dotation. En fait, depuis un mois, Univers Running, qui est la boutique qui me sponsorisait, ouais. Et qui dispose d'un team auquel je faisais partie, étant en liquidation judiciaire. Alors, je ne suis pas un expert, okay, en économie, je ne connais pas bien toutes les procédures qui sont liées à ce type de problème, on va dire, mais a priori, je pense que ce n'est pas vraiment une bonne nouvelle. Alors pourquoi moi j'ai envie de vous parler de ça? C'est parce que depuis 4 ans, j'appartiens au team Univers Running et... On sait que l'image traditionnelle des teams, Alors que je vois Ymir en train de mettre sa frontale. On sait que l'image traditionnelle Ymir des teams... Ymir, c'est notre électron libre à chaque fois sur les épisodes. Hein. Ouais, c'est ça. Et, donc, je sais que la plupart des gens ont une image un peu des teams comme étant composés d'individus lambda qui sont chargés d'exhiber leur sourire et leur pose de acrobatique pour les partager sur les réseaux sociaux et montrer que comme la marque, ils sont cool. Et en fait, c'est pas du tout l'expérience qui a été proposée par l'entreprise avec laquelle j'ai eu un partenariat, puisqu'on peut parler de partenariat. Effectivement, il s'agissait de promouvoir son image, c'est sûr. Bien sûr, on avait des dotations. Je pense que vous l'avez vu si vous me suivez sur les réseaux sociaux. Mais le projet, c'était avant tout de construire... D'ailleurs, tu t'es fait... on t'a traité de vendu là dans le chat, je ne sais pas si tu as vu passer. C'est vrai. Non, je n'ai pas encore vu passer parce que je suis en train de parler. Je ne sais pas trop bien faire ça en ce moment. Je vois juste qu'il y a Emile qui me propose de fermer mon blog. Ok, voilà. On va y réfléchir. Et donc, je disais que le projet à la base de ce team, au-delà de la promotion de l'image de l'entreprise, c'était de construire une équipe d'une douzaine de personnes avec un engagement moral hein, qui était de bien sûr porter les vêtements issus de la dotation en course, proposer aussi du contenu pour le portail Globe Runners qui appartenait donc à Univers Running. Et surtout s'investir pour créer du lien entre les membres du team, créer de la cohésion et en faire une vraie équipe en clair. Ça a été le cas ou pas? Bah, ça a été le cas. Le projet il a pas été évident tout de suite hein, Margie. On a eu au départ des membres qui étaient peut-être plus intéressés, enfin certains membres qui étaient un peu intéressés, un peu matérialistes quoi, qui étaient intéressés par le matos avant tout, mais année après année, ça s'est affiné jusqu'à devenir un groupe de personnes plutôt désireuses de partager des choses autour d'une passion commune. Donc voilà, aujourd'hui encore, et pendant toutes ces années, on va dire, on prend des nouvelles des uns des autres, on se soutient, on se donne des conseils, on rigole bien aussi, hein. On se voit parfois. Hein, on a participé à des courses ensemble. On a participé à la Saint-Élion avec certains membres. C'était assez épique d'ailleurs. On a participé à des courses comme l'Equiden. On s'est fait des week-ends rassemblements conviviaux réguliers. Puis voilà. Puis on se voit aussi tout simplement entre nous quand on n'est pas trop éloigné puisqu'on est dispersé dans la France. Mais il y en a quand même qui habitent pas loin les uns des autres. Voilà, on s'héberge, on s'entraîne, on s'aide aussi, on s'aide dans les prépas. Je me souviens par exemple, on avait notre champion qui préparait les championnats du monde de 100 km, j'ai pu l'aider un petit peu en tant que spécialiste. voilà, à vélo, pour lui tenir compagnie, un peu pour l'aider pour ses ravitaux. Voilà, exactement. Donc, on s'est fait des... Enfin, je me suis fait des vrais amis. Hein. Je pense par exemple à mon ami Jérémy, donc j'en parlais, notre champion. Au début, quand on s'est connus, je me rappelle par exemple, on me l'a présenté, je ne savais pas qui c'était, puisque je ne suis pas un très fin connaisseur. Et donc, je me souviens d'une conversation avec lui où, à un moment, je lui dis « Et sinon, toi, le trail, tu fais un peu ou pas, quoi ?» Et en fait, il me dit « Ouais, un petit peu, voilà, mais en toute humilité. » Et en fait, il avait fait 3e de la Saint-Élion, par exemple. Voilà. Ça va, il connaît un peu. Tu fais un peu de route ? Ouais, ben oui, je fais 7 heures au 100 km. Mais il m'avait pas dit sur le coup, alors je savais pas, enfin bon. Et donc j'ai plein d'anecdotes un peu drôles avec le team, comme aussi sur la Saint-Élion avec mon ami Seb que j'ai planté au bout de 40 km, il était devant moi et j'étais au téléphone avec lui, je lui dis j'en peux plus, je vais abandonner. Et il me dit je suis pas loin devant, je rends mon dossard, on s'attend et on prend la navette. Et une fois arrivé, je dis, ben non, là, moi, j'ai envie de continuer, quoi. Donc je le plante comme ça, et donc c'est des choses qu'on garde en mémoire comme ça, c'est un petit coup de pute quoi, mais il m'en veut pas, et puis ça fait partie de la course. Enfin, des histoires, on en a partagé plein, et en fait ce que j'essaye de dire, c'est que des vrais liens individuels même se sont tissés, et avec certains, j'ai une vraie affection, des vraies affinités. Alors, okay, mais ça, tu le perdras pas quoi qu'il en soit, je pense. Je pense pas, et à la base, le team était fait un peu composé comme une team pro, mm-hmm. À part que là, c'est avec tous les niveaux. Et moi, d'ailleurs, j'étais un peu le nul du groupe, on va dire, hein, même si on l'a jamais fait ressentir. Wow. Ouais, on l'a jamais fait ressentir parce que c'était tout simplement pas un critère d'acceptation, et tout le monde c'était naturel pour tout le monde. Alors. C'est sûr, rien n'est. Enfin, je le présente comme un truc parfait. Tout n'était pas parfait. C'est quelque chose qu'on a aussi co-construit. Il y a eu des tensions, de la lassitude, des changements de priorité aussi ponctuellement. Mais quand même, je peux témoigner du fait que c'était un truc sincère. Et notamment parce que la personne qui s'occupait, qui drivait, le team manager, on va dire, qui était aussi le rédacteur en chef de Globe Runners, c'était un peu, je pense que c'était aussi un peu sa danseuse. Donc c'est aussi pour ça que c'était pas des relations futiles. Donc d'ailleurs, je remercie chaleureusement, j'en profite, hein, je remercie chaleureusement Sébastien pour sa confiance et pour ce qu'il m'apporte et ce qu'il continuera à m'apporter humainement. Voilà. Et, deux autres choses que je voudrais dire. Il y a une question ouais, pour part ça, vas-y. Qui demande comment on rentre dans une team comme ça. Est-ce qu'il y a quelque chose Oui. Est-ce qu'il y a des prérequis ou est-ce qu'on te l'a proposé juste? Alors, comme vous savez, au niveau de mon potentiel sensualité, on est à un niveau. Mardi reste de marbre. Quoi. Non, parce que je lis en même temps. Ok, d'accord. Non, en fait, ce qu'on proposait surtout, c'est, enfin, ce qu'on demandait surtout, c'était de, je l'ai un peu dit, hein, de savoir un peu écrire un minimum, ouais. D'avoir des choses à raconter. Un peu discriminant tout ça quand même. Hein. Tout à fait. Donc au départ, j'avais candidaté pour faire partie de cette team. Donc j'avais écrit, il y avait des choses à remplir, et puis il y avait un petit texte à écrire, et j'avais fait ce que je faisais d'habitude, quoi, tout simplement. Et au niveau des critères, par exemple, ce dont on parle souvent, c'est l'influence sur les réseaux sociaux, par exemple. Et bien ça, par exemple, c'est pas un critère. C'est pas Tiens, justement, il y a les Bonito qui demandaient. Ouais, je me doute. Qui demandait si c'est pas symptomatique finalement de l'abandon des teams au profit justement des influenceurs Instagram et autres. Mais ça existe, c'est certain. Et c'est pour ça que les teams en général n'ont pas super réputation, comme en plus les influenceurs, ouais. On en revient un petit peu aujourd'hui, quoi. Là, en l'occurrence, c'était pas le cas. Et j'ai un exemple en tête d'une personne, d'une fille. Que j'aurais bien vu dans le team, et on en avait parlé, et puis Sébastien m'avait dit non, mais enfin je le sens pas, alors que c'était une personne qui avait des 50 000 followers sur les réseaux sociaux, ah ouais. Des trucs de ouais, fou. Et donc, bon, il y avait des raisons pourquoi il y avait des raisons pour lesquelles il ne sentait pas, mais il y avait aussi, on a eu d'autres des expériences un peu malheureuses de personnes qui étaient un peu influentes et qui en fait participaient pas, donc au fur et à mesure on s'est rendu compte, Sébastien s'est rendu compte que ça pouvait pas être un critère. Ça pouvait pas être un critère. De toute façon, ça peut pas être un critère absolu, je pense. Excuse-moi, mais ça peut pas être un critère absolu, évidemment. C'est-à-dire que si tu as quelqu'un qui a 100 kilos abonnés qui est complètement exécrable, évidemment, il est pas dans ton team parce que bon, il t'apportera rien. En revanche, que n'importe qui puisse venir dans un team, ça me paraît un peu illusoire, un peu conte de fées, non? Parce que bon, faut quand même que les gens aient un comme tu disais, les gens doivent savoir écrire. Donc déjà, ça veut dire qu'ils sont censés pouvoir produire du contenu qui sera publié par la suite. Et puis avant tout, c'est une boutique, hein, je pense. Donc qui dit boutique, dit qu'on est là un tout petit peu pour gagner du pèse. Et donc pour gagner du pèse, on fait venir des gens qui brassent du monde, subversif. Qui brassent de la clientèle. Donc mettre de côté complètement l'argument influence, etc. Dans une certaine mesure, oui, je veux bien, mais... Après, une team, voilà, ça reste faire du bruit pour faire acheter, quoi. Puisque tu décides de me clasher directement, je vais répondre. Bah, attends, vu qu'on est en live, tu vois, on va pas non plus se jeter des fleurs. On pourra pas couper, c'est ça. Non, bah, je vais répondre à ça. En fait, déjà, il suffit de voir ma tête pour voir que je ne suis pas forcément le mec le plus vendeur. T'as complètement faux. Non, mais ce que je veux dire surtout, c'est que rarement j'ai entendu la paire de chaussures avec laquelle tu cours, etc. Ça m'a donné envie, je les ai achetées. Enfin, donc déjà ça, donc je pense pas vraiment influencer les gens ou être vraiment un outil de valorisation pour ça. Et aussi, ce que je voudrais dire, c'est que clairement, pour le univers running, ça, je trahis peut-être un secret, mais Vas-y, vas-y. non, Vas-y. c'est Trahir un que secret, il n'existe plus. ouais, Excuse-moi pour non, mais ce c'est pas très la gentil. société est en cours de liquidation, donc j'ai un peu de respect quand même. Et il y a des gens qui sont en cours de licenciement, quoi. Donc voilà, j'en parlerai juste après. Mais clairement, le team, c'était loin d'être quelque chose de rentable pour l'entreprise. C'était même plutôt, ça pouvait même être un poids à certains moments, quoi. Comment le mesurer, David? Comment tu mesures ça? Comment le mesurer, je sais pas, mais c'est un discours qu'on m'a tenu, que m'ont tenu des personnes de confiance dans l'entreprise et qui avaient des doutes sur ce que ça pouvait vraiment apporter, sur la visibilité qu'on offrait et qui était vraiment minime par rapport à, je sais pas, par rapport à d'autres opérations. Mais c'était pas grave en fait, c'était pas le problème. Voilà. Ce que je voulais dire encore, à moins que quelqu'un soit en train de me troller ou ait une question, c'est que... Ils avaient demandé aussi pourquoi, étant donné que le running est si, À la mode? enfin, c'est Ouais. si populaire, comment ça se fait Ouais. que C'est vrai. la C'est team une très soit... bonne question. Bonne question. Moi, ouais, c'est une très Très bonne bonne question. question parce qu'on le rappelle, David, 60 millions de runners en France. C'est les 62 derniers chiffres, millions, on est d'accord? logiquement, 62 millions, 60 parce que ça millions. augmente de mois en mois. Et bien en vérité, j'ai pas vraiment de réponse à ça. J'en ai parlé à plusieurs personnes. On me dit que le marché a plutôt tendance à se tasser Ah ouais? et que les gros, pour ne pas dire le gros dans le marché, qui est Iron, vampirise un peu. Tout le marché quoi. Alors je ne sais pas si c'est vrai. Par contre, je sais que Univer Running n'est pas la seule boutique à s'être cassé la gueule. Je crois qu'il y a Planet Jogging aussi qui a dû se casser la figure cette année. Donc après voilà, c'est du feeling et puis il y a des choses qu'on m'a dit comme ça, mais j'ai plutôt tendance à penser que oui, il y a peut-être une stagnation de cette mode et peut-être du coup du marché des gens qui achètent peut-être un peu C'est moins. ce que dit Emile hein, sur le chat justement. Ouais, l'effet de mode est peut-être terminé, t'as sans doute raison, Émile. Émile, qui a présenté les deux premiers jogging Bonito, je le rappelle, et qui est présent sur le chat. On te remercie beaucoup, on t'embrasse très fort, mon grand. Ouais, merci d'être Et là. donc, avant peut-être de continuer à répondre à des questions ou pas, je souhaitais aussi te dire que ben, c'est très con, mais je pense quand même aux gens aux clients de dernière minute un peu, qui auront d'éventuels litiges parce que ça, même si je sais que l'entreprise a fait le maximum pour qu'il y ait le moins de litiges possible en remboursant les gens ou en envoyant jusqu'au dernier moment, enfin, il y aura des gens qui seront déçus. Donc je pense à eux, mais je pense surtout aux salariés d'Univers Running qui ont perdu leur travail et que je rencontrais régulièrement et pour qui j'ai, en tout cas pour certains, pas mal d'affection. Et je leur souhaite juste de bah, retrouver un emploi rapidement, que ce soit dans le running ou dans un autre domaine qui les passionnerait. Voilà, donc je ne suis plus membre d'un team. Dans le chat, ça parle beaucoup on se demande si ça passe pas, en fait, si la mode du running n'est pas passée sur la mode du triathlon, finalement. On est Ça, un peu c'est une... tôt. Si jamais c'est une mode, le triathlon, je sais pas si on peut dire ça, mais si c'est le cas, en on tout est cas, le tôt dans cette côté, tu mode. sais, le côté effet mode, quoi. Mais bon. Alors peut-être que les runners de la vague mode du running ont fait le tour, entre guillemets, et sont en train de se diriger vers autre chose. Peut-être que c'est le cas. Mais ce qui est quand même vraiment étonnant, c'est que je pense qu'on aurait vraiment pu croire, vu les chiffres qu'on nous avançait, nombre de coureurs, etc., qu'il y aurait un marché vraiment gigantesque de l'équipement running. Et au final, j'ai l'impression que ce marché, il y a eu un énorme marché du dossard. En revanche, le marché de l'équipement running, bah écoute, si des boutiques sont déjà en train de fermer la porte, enfin c'est, ouais, c'était peut-être que de la poudre aux yeux en fait, tout ça, tout ce potentiel marché de consommateurs, je sais pas. C'est quand même super. En tout cas, Nicolas, sur le chat nous dit que les triathlons labellisés ont beaucoup d'inscrits, les petits pas forcément. Donc, est-ce que ça peut aussi vouloir dire que quand on vient du running, qu'on a envie de faire du triathlon, on se lance directement sur les grandes épreuves comme le marathon de Paris, mais qu'en fait, pour autant, il n'y a pas vraiment d'engorgement des compétitions, que voilà, ça reste un truc de niche quand même, ou un truc effectivement qui est une petite mode, mais moi j'ai un doute quoi. Je me dis quand même, participer, faire du triathlon, là pour le coup, ça peut occasionner des frais. Ouais, le triathlon, c'est un sport qui est très très cher. Tout le monde peut pas faire du triathlon, alors que tout le monde peut potentiellement faire de la course à pied. Donc, transfert, j'en suis pas sûr, quoi. Mais bon, moi je sais pas, peut-être qu'on aura des réponses après la diffusion de ce podcast, mais... Non, mais bon, c'est intéressant. Jean-Baptiste qui nous dit que les boutiques sur Internet ferment car Internet propose des tarifs... Enfin, les boutiques physiques ferment car Internet propose des tarifs plus avantageux, mais là, du coup, on est en train de parler de la fermeture d'une boutique sur Internet. Ouais. Donc, comme quoi. Ça, on l'a pas dit, mais c'est vrai que dans le running, on l'observe. Vous regardez sur les sites en ligne, les prix sont toujours... Il y a des promotions tout le temps, tout le temps. Donc, c'est une question qu'on peut se poser, quoi. Est-ce que les boutiques sont pas incitées à casser les prix et au détriment peut-être du chiffre d'affaires, quoi. Et donc de viser du volume, quoi. J'ai l'impression d'avoir dit un truc super intelligent, mine de rien. Bravo. Bien vu. Ouais. J'ai pas fait les decks. Je vais faire les decks HEC ou je sais pas quoi. Je vais essayer de me présenter. Plus clair. Voilà. Tu mettras sur mon bac d'abord. Du Wing Bonito. Il y a un truc intéressant, ouais. Bah, c'est que tu disais, David, que tout a été probablement phagocyté par Iron, en fait. Bah, là, dans le chat, on nous parle d'Amazon. Léon nous parle de géants comme Amazon. T'as complètement raison. En fait, je pense que là, si... En fait, c'est le phénomène du monopole, je crois. Le phénomène du monopole, ça bousille la diversité. On ne connaît pas la taille d'Iron par rapport aux autres, mais il suffit que lui soit vraiment 10 fois plus gros que tous les autres, et il va finir par les saigner tous les uns après les autres et se retrouver tout seul, quoi. Jusqu'au jour où, comme tu dis, Amazon va ouvrir une boutique running dédiée, et puis là, Iron va couler comme une merde. Iron était sponsor des championnats du monde d'athlétisme, par exemple. C'est pas mal, je pense. Donc ça veut dire que peut-être aujourd'hui ils ont beaucoup plus d'argent à investir dans de la communication et que effectivement ils sont peut-être 10 fois plus gros que les autres aujourd'hui et que ils écrasent tout, quoi. Ils écrasent tout. Quelqu'un nous donne le chiffre d'affaires d'Iron, c'est Speed Fusion 2. 30 millions d'euros de chiffre d'affaires en croissance de 40%. Et une quarantaine de salariés. Donc c'est une quarantaine de salariés, c'est deux fois plus que Univers Running. Et au niveau du chiffre d'affaires, j'ai pas les chiffres, mais je pense que c'était plus de deux fois plus, quoi. Enfin, voilà, quoi. Ouais, clairement. Et la croissance de 40%, non, pour le coup, je pense pas. 30 millions d'euros de chiffre d'affaires, j'ai du mal à me rendre compte là de ce que ça donne. Tac, tac, tac, je fais un calcul rapide. Oui. Ça fait 82 kg de chaussures de running par jour, putain. Non, pas par jour, pas par jour non ouvré en plus. Attendez que je fasse le calcul avec des jours ouvrés. En plus, avec ta lampe, tu sais, tu fais un peu... Le professeur, c'est moi, attention. Le professeur fou, là. Ça fait 150 kg de slip de running par jour. De slip. Ah, reparlons des slips, tiens. Ça, c'est une bonne idée. C'est pas incroyable, ça. Et franchement, on n'aurait pas dit par jour ouvré, bien sûr. Mais du coup, les gens commandent aussi les jours non ouvrés. Donc, en fait, le premier chiffre était correct. Parce que boutique en ligne. Okay. Et là, je lisais un commentaire de The Vinci qui nous disait que... Le triathlon, je reviens sur le triathlon, c'est exigeant physiquement et puis ça besoin, enfin en fait c'est moins accessible, quoi. Donc je pense qu'il a raison, c'est quand même naturellement moins accessible que le simple fait d'aller courir. Donc je crois moyennement à ce report. Je suis désolé, Emile, j'essaye de tout clasher là. Moi, je retiens que The Massive voulait faire un triathlon avec une bouée canard. Et moi, je dis oui, vas-y, go for it. Non, mais carrément. Mais carrément, il faut un peu d'insolence dans le sport. Parce qu'il y en a trop. C'est on clair, est un peu surtout trop. En Ah ouais, triathlon. non, mais je crois qu'on est un Surtout peu en trop à triathlon, parce croire qu'ils que. s'y croient quand même beaucoup, les triathlètes. On est trop à Ok, croire que le mais sport est-ce est qu'on. réservé à l'élite, là, encore aujourd'hui, là. On veut un peu trop se sentir un peu tout seul. Voilà, ça se prend au sérieux, telle et telle épreuve. Non, moi, j'aime bien ceux qui foutent un peu la merde. Dis-le. C'est clair. C'est drôle. Ok, bah merci David pour ton actu. Très bien. Je vous souhaite une bonne soirée. Hein? T'as À dit que toi tout j'ai en. pas compris. Ah non, bah du coup, c'est vraiment, j'aime beaucoup ce format. Hein. Il y a énormément de choses sur lesquelles on a envie d'interagir avec toutes. Merci à tous de C'est participer. clair. Vous Ouais. participez au top. C'est vraiment génial de pouvoir avoir vos retours Ça en fait live. plaisir. C'est top, quoi. Effectivement, Léon, j'ai déjà C'est atteint le cadeau, point hein. slip. Moi, ça va super vite hein, pour partir en slip, comme tu peux le savoir. Tous les jours sont ouvrés, tout à fait. Bah du coup, tu as tout à fait raison. C'est ce que C'est je vrai. disais à la fin. Ah, c'était une bonne saucisse, C'était? ça. Ah Eh oui, bah oui, forcément, parce quoi. que ouais, on commande samedi, dimanche, etc. Effectivement, et en particulier. Yes. David, on te demande pourquoi tu es Oui. déguisé en Buzz l'éclair. En Buzz l'éclair. Alors là, c'est une très bonne question. Je changerai régulièrement pendant l'émission. Ok? Oh, cool! Faut rester alors, hein. Faut Ouais. rester parce qu'on va avoir encore des surprises. Ok, Ouais. Tu bon. penses, José Lito, excuse-moi, mardi, Ah je non, prends vas-y, la main. si tu veux rajouter quelque chose, vas-y. Non, non, je voyais juste Endurance Shop tire son épingle du jeu grâce au conseil. Bah, je sais pas, vraiment? Enfin, je suis Oui. assez peu Endurance Shop parce que justement, j'ai l'impression que leurs tarifs ils sont plus chers que d'autres boutiques. C'est sûrement grâce à la couche, enfin, ou à cause de la couche conseil, hein. Mais je vais chez Decathlon, je vais chez Amazon, je vais chez Go Sport, je vais chez n'importe qui pendant les soldes pour m'équiper lorsque j'achète de l'équipement. Est-ce que y a vraiment une valeur ajoutée à ces conseils qui sont. Est-ce qu'ils sont si bien que ça, les conseils Endurance Shop? Il y a des retours d'expérience sur ça? Mardi, David, Moi, je connais vous pas. faites conseiller en boutique ou. Je sais, je connais quelqu'un qui tenait un terre de running. Et a priori, ouais, c'était pas mal parce que, en fait, dans ces boutiques-là, enfin, dans les boutiques que je connais, les gens qui étaient les commerciaux, en tout cas les personnes, les vendeurs, étaient vraiment des coureurs et donnaient des conseils vraiment pointus. Et ça a attiré vraiment une communauté de gens très passionnés, voire un peu voire experts un peu. Les deux boutiques que je connais comme ça fonctionnent de cette façon. D'accord, Voilà. C'est le très seul bien. vraiment Ah, conseil moi d'idée que aussi, j'ai. une fois j'ai. Mais c'est une petite boutique aussi, c'est pas une grande chaîne. Et dans une ville qui était. Non mais comment je peux rester sérieuse avec David qui nous met des trucs. Bon, alors, ouais. Une fois, j'ai acheté des chaussures dans une petite boutique de running et le gars, il connaissait vraiment quoi. C'était un coureur aussi. Et j'ai toujours il m'a conseillé une marque de chaussures et depuis, je l'utilise toujours. Et s'il était plus près de chez moi, j'irais tout le temps chez lui, c'est clair et net. Très bien. J'utilise. Bon. Merci pour ton actu, en tout cas, David. Ça nous a fait tous réagir. Ouais. Donc acheter des conseils, hein, je lis, hein, enfin pas acheter des conseils, pardon, mais les conseils ont un prix. Moi, je suis pas d'accord. Enfin, si je comprends, hein. Je comprends. C'est pas, je suis pas d'accord. C'est je comprends, mais en ce qui me concerne. Ça me dit quelque chose, cette histoire? Ce serait pas une petite chronique? Hein? Possible. Ah ouais. Ok. Bon alors, actualité, Émir aussi. Bah écoute, ouais, C'est quoi ton alors actualité? actualité. Bah, on est en plein été là, et qui dit plein été dit la saison en quelque sorte des ultras. Je tiens à commencer par faire rendre un petit hommage à un ami qui n'est pas trop internet, qui est plutôt sur les sentiers et sur les montagnes que sur internet, qui s'appelle Rafion. Rafion, c'est un coureur qu'on a rencontré il y a quelques années maintenant sur la 6000D, je crois, qu'on a rencontré à nouveau sur le DF Zénith Tour une semaine après, Et donc on le, alors que c'était un enchaînement déjà qu'on trouvait à notre niveau un petit peu débile, et lui il était là. Et on s'est rendu compte que lui en fait c'était juste c'était pas l'enchaînement au complet, mais lui en avait d'autres, et à chaque fois une semaine d'intervalle. C'est là qu'on se dit, on est tous le petit de quelqu'un en fait, hein. Exactement, Et ouais. on est vraiment tous le petit de quelqu'un. Et qu'est-ce qu'il fait cette année, Raffion? Eh bien, cette année, Raffion, il y a une semaine et demie à peu près, il a pris part à l'UT4M Extrême 160, puisque ça fait partie, hein, des gros ultras de France, hein, l'UT4M maintenant, épreuve qui a 4-5 ans, je crois. Et donc, il a été finisher, ce petit homme, très rapide d'ailleurs. Et qu'est-ce qu'il a fait une semaine après, ce cher Raffion? Eh bien, on l'a retrouvé sur le GRP. L'Ultra Tour, donc le 220 km, qui est devenu un 186 km, qui est l'actualité dont je vais vous parler, puisque nous en revenons avec Carole. Et enfin, donc qu'est-ce qu'il fait, Raffion? À quoi prend-il part dans quelques jours maintenant? Je vous laisse me le dire. À l'UTMB. Merci, à l'UTMB, et oui. Ah ouais, d'accord, Et le gars. Oh là donc, il là. y a bien des gens qui font ça, les amis. Donc moi, je voulais vous, voilà, je voulais lui rendre hommage, hein, parce Ouais. que je pense qu'un tel enchaînement, eh bien, ce n'est pas donné à tous. Ce n'est pas donné à tous d'avoir un tel manque de respect pour tous les conseils qu'on peut entendre sur la préservation de son corps. C'est Voilà. clair, j'irai. Ouh, Donc, ouh, là, voilà l'histoire des deux marathons par an que je peux lire avec colère dans ce chat. Eh bien, elle est largement, mais alors largement, comment dire, débunkée, si je peux me permettre ce terme, par certaines personnes qui vivent très bien le fait d'en faire. Plus, mais alors plus à un niveau qui n'est même plus mesurable. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais revenir sur l'Ultra Tour ouais. du GRP. Donc, le GRP, qu'est-ce que c'est pour ceux qui sachent, pour ceux qui ne savent pas, pardon, c'est le Grand Raid des Pyrénées. Donc, ça fait partie des gros ultras de France qui a lieu en été chaque année. Donc, cette année, ça a eu lieu en fait, ben, c'était le week-end dernier que je donne les dates, c'était du 24 au 27 à peu près, et donc décliné en plusieurs épreuves. Il y avait un 40 km, un 80, un 120 je crois, et un 220. Donc avec Carole on a pris part aux 220 km, qui était donc l'épreuve la plus grosse sur laquelle on a bien voulu s'engager jusqu'à présent. Donc les petites choses que j'ai envie de dire là-dessus, bon, déjà pour commencer, ceux qui ont vu passer les actus, c'est que l'épreuve a été un petit peu écourtée pour des raisons d'intempéries. Donc, ce qui est à la fois si je pense, c'est à la fois frustrant pour les coureurs et pour les organisateurs, c'est qu'en ultra, et donc quand on fait de l'ultra, il faut pas mal accepter le fait que des choses vont nous échapper, des choses qu'on ne, il y a des choses qu'on maîtrise. Et donc, quand on fait une prépa en général, on essaye de maîtriser un maximum, de mettre toutes les chances de son côté, mais il y a forcément des choses qu'on ne va pas maîtriser et ça peut être super frustrant. Pour les organisateurs, ici on parle des intempéries, on parle du climat. C'est-à-dire ils te préparent un parcours de 220 km, un parcours millimétré, tracé, reconnu, un travail de dingue pour écrire sur une carte tous les points GPS, pour mesurer, pour communiquer autour de cette distance. Et il suffit que le jour J, la nature en ait décidé autrement, et tu te retrouves sur un parcours de repli, et tout ton travail tombe à l'eau. Et ça, je pense que c'est une caractéristique de l'ultra. C'est d'arriver à se dire, c'est comme ça, c'est la vie, j'y peux rien. Évidemment, on est déçu, mais ça fait vraiment partie du jeu, et c'est un petit peu, je trouve, une leçon que nous apprend l'ultra. C'est qu'il y a des choses qui nous échappent, c'est comme ça. On Donc n'y peut vous avez rien, et on a éliminé la juste à l'accepter. frustration. Pardon, Vous David? êtes pas, vous n'êtes pas frustré de ne pas avoir fait l'épreuve sur le papier, quoi, j'allais dire. Ah bah là je vais y venir, là je parlais plutôt pour côté organisation. C'est-à-dire Ok, l'organisation, c'est d'accord. eux qui ont vu leur travail en quelque sorte bah, Oui, d'accord. s'effondrer en fait. Et pour ne pas risquer la santé des coureurs, ils te coupent leur propre travail. Ils coupent dans leur propre travail pour des raisons de sécurité. Et en même temps, Donc ça. il prévoit des itinéraires parallèles, Bien sûr. donc ça Oui. fait effectivement partie du jeu, comme tu l'as dit Ça juste avant. fait entièrement partie du jeu et c'est une leçon, je crois, que nous apprend l'ultra que j'avais envie de partager. Maintenant, quand on est coureur, il y en a qui veulent pas que je spoil la vidéo. Bah écoute, il faut être un early bird, cher ami. Si on n'est pas un early Reaper. bird, on se fait spoiler, c'est comme ça. On peut dire effectivement que tu as sorti avec les lapins une vidéo, un débrief complet de cette course, mais je pense que le but ici, c'est pas nécessairement de faire un débrief complet, quoi. Non, effectivement, non. C'est pour ça que j'aborde un petit peu d'autres angles. Là, ce que je dis là, c'est quelque chose qu'évidemment, je ne dis pas dans le débrief. J'ai envie de partager ça. Ce côté imprévisible et ce côté qui fait que la course, tout ce qu'on a prévu peut s'écrouler. Donc là, d'un point de vue organisation, maintenant, d'un point de vue coureur. Donc d'un point de vue coureur, il y a aussi des choses qui sont prévues et des choses qui sont imprévues. Donc qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que faire une excellente prépa. Je ne dis pas qu'on a fait une excellente prépa, c'est d'ailleurs loin d'être notre cas. Je pense qu'on n'est pas les exemples des prépas et ceux qui nous connaissent, ils le savent. Mais beaucoup de coureurs passent des heures, passent des dizaines, des quinzaines d'heures par semaine, je ne sais pas combien de temps, à préparer un objectif, parfois un unique objectif dans l'année. Ils y passent un temps assez incroyable à faire de la préparation. Ils rognent parfois sur leur vie professionnelle, ils rognent parfois sur des parties de leur vie perso. Ce que je trouve personnellement fâcheux, mais ça n'est pas ma vie, hein, tout le monde fait ce qu'il veut évidemment. Mais d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, certaines personnes qui rognent énormément sur leur vie personnelle et sur tous les aspects de leur vie de manière à s'entraîner, pour pouvoir dégager du temps pour s'entraîner, eh bien, j'ai l'impression que ça fait d'eux parfois des personnes un petit peu puristes. Alors, je ne vais pas me faire forcément des potes, quoique ici, ça va, on est entre amis. Mais quand quelqu'un voit son sport comme étant une source de sacrifice, si préparer l'UTMB, ça fait que je ne vois pas ma femme et je ne vois pas mes gamins pendant 6 mois de ma vie, eh bien, je vais détester une personne qui, elle, vient à l'UTMB et s'est marrée et a bu de l'alcool et a vu ses potes pendant 6 mois, tu vois. Je vais le détester. Pourquoi ? Pas parce que lui est bête, mais parce que moi, j'ai sacrifié ma vie. Donc, je m'attends à ce que les autres aient au moins la même galère que moi pour mériter d'être là aujourd'hui, tu vois. Et je pense que ces gens-là, à mon avis, ils sont dans l'extrême. À mon avis, ils sont dans l'erreur, mais ils font leur vie. Hein. Ils font leur vie, je n'ai pas à les juger, mais ils font leur vie et du coup, on se retrouve avec des gens qui ont envie de penser qu'il n'y a que eux qui ont la bonne façon de pratiquer leur sport. Ces gens, j'ai un peu de mal avec eux parce qu'eux ont beaucoup de mal avec moi en général. Donc, je ferme cette parenthèse et je reviens sur le côté imprévu. Donc, juste que tu te fais clasher par Émile qui, en tant que puriste, n'est pas du tout d'accord avec ce que tu viens de dire, quoi. Écoute, Émile, écoute, quand tu veux, on se bagarre. Je t'attends là. Je t'attends à la sortie. Non, mais... Bien sûr, Émile puriste. Émile qui est en ce moment même sur la TDS, là. Là, c'est ça. En live, ouais, en Facebook live sur la TDS. Allez, gros, vas-y. Ok, donc, alors juste, est-ce que je loupe, peut-être mardi, tu fais la veille des coms, est-ce que je loupe des choses? On s'est demandé sur le chat si vous aviez fini en prenant un dragon. Voilà. Il y a une référence que je à Game t'as of Thrones loupé, là, ou je sais pas. Ouais. Le spoiler, non. Il y a quelqu'un qui t'a demandé de pas spoiler ta vidéo. Et donc, Mais je la spoile pas, je parle de sujets différents en fait. Voilà. Et donc quelqu'un d'autre a enchaîné en disant c'est pire que le spoil de Game of Thrones. Non, bah, je connais un peu cette série en fait. Moi je ne connais pas du tout, donc mais bon, apparemment il y a des dragons. Voilà. Ouais, voilà comment c'est parti. En tout cas, Kurt meurt à la fin. De la 7e saison. Kurt, ça c'est du prénom, ça, Kurt. Alors, il y a Étienne qui me dit, tu me diras combien je te vois. Alors, je sais pas de quoi tu parles. Tu peux me préciser, Étienne, histoire que je puisse répondre. J'ai peut-être dit un truc et je me rappelle plus. Ce que je voulais dire, du coup, je ferme cette petite parenthèse où j'ai fait mon petit clash aux puristes comme d'habitude. Ce que je voulais dire également, c'est que donc, quand on est un coureur et qu'on a son épreuve, on voit son épreuve s'écourter, pour des raisons d'organisation ou pour des raisons internes, personnelles en quelque sorte, ça fait quand même, mettons que je m'inscris à une épreuve genre l'UTMB de l'année prochaine, qu'est-ce qu'il m'a fallu pour m'inscrire? Il m'a fallu des points sur un certain nombre de points pendant 2 ans, ça veut dire que j'ai dû faire 3 ou 4 ultras en 2 ans pour accéder à l'UTMB. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fallu? Il a fallu que je paye un certain tarif. Ensuite, il a fallu que je participe à un tirage au sort, que j'ai peut-être échoué une fois, peut-être 2 fois, peut-être 3 fois. Ce qui veut dire que pour être sûr d'avoir les points, eh bien, il a fallu que je fasse des courses pendant un certain nombre de courses pour avoir mes points sur les ultras pendant les 4 ans glissants pour éventuellement accéder à l'UTMB. En plus, maintenant que je suis tiré au sort, je mets sur la table un billet de 250 € et là, enfin, j'ai le droit d'aller sur cette montagne. T'imagines 4 ans, de 4 ans pour aller sur faire un tour faire un tour du Mont Blanc et en ayant l'honneur de porter le dossard où c'est marqué UTMB. C'est pas une critique, hein, nous-mêmes on y a part. On en reparlera de l'UTMB, ouais. Ouais, donc nous-mêmes on y a pris part, donc c'est loin d'être une critique. Hein, je critique pas du tout l'envie de faire l'UTMB. Ce que je veux dire, c'est que c'est une des courses qui est des plus difficiles d'accès. Et du coup, cette course-là, imagine-toi le jour où tu l'as fait, l'UTMB il est coupé à 80 km parce qu'il y a un orage de fou et par sécurité la course s'arrête. Et ben quand t'es un coureur, va encaisser ça. Toi qui as échoué au tirage au sort 3 fois, toi qui as laissé je sais pas combien d'euros dans ces préparations, toi qui as fait des courses et des courses pour grappiller les fameux points qu'on a mis en place, imagine-toi. Et là aussi, je trouve que c'est encore une fois une énorme leçon d'humilité de la part du trail. C'est accepte en gros ce qui t'arrive, accepte que ce que tu peux pas maîtriser, ce que tu peux pas maîtriser, t'as juste à regarder ça et à te dire ben, c'est la vie. C'est la vie en fait. C'est l'épreuve unique. C'est l'épreuve. En fait, quelque part, c'est ce qui fait aussi que chaque édition est un peu unique, quoi. Tu vois? Ouais, tout à fait. C'est ça. Chaque édition est un peu unique, mais chaque course en fait. Chaque édition de chaque course. Là, on parlait de l'UTMB parce que c'est une course un peu difficile d'accès en termes logistiques. Mais effectivement, chaque course est difficile d'accès, et toute cette énergie qui peut se voir le jour J écourtée pour des raisons complètement indépendantes. Alors si c'est les intempéries, c'est une manière d'accepter, mais il y a encore plus dur à accepter, c'est quand tu t'es entraîné pendant 70 000 heures, j'exagère bien sûr, et le jour J, t'as un mal de bite de fou, ou tu tombes en déshydratation ou je sais pas quoi, t'es sous perf, ta course elle est arrêtée. T'as un point de côté. Bon, le point de côté, on s'en fout, on attend, il disparaît. Mais genre un truc un peu furax, tu vois, qui fait que t'es bloqué chez les secouristes pendant 3 heures et voilà, et tu rates ta barrière ou j'en sais rien, ou tu sors de ta course, t'es plus dedans, etc. C'est vraiment l'ultra. Pour ça, je trouve que l'ultra, c'est une discipline qui nécessite une sagesse ultime, et je crois que c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup cette discipline, et c'est aussi pour ça qu'elle n'est, je pense, pas faite pour tout le monde. C'est très très dur d'accepter les aléas comme ça. T'imagines, on parlait de différence entre chaque édition et des intempéries ou des choses qu'on peut pas maîtriser. Je voyais en 2012 François Daen, il gagne l'UTMB en 10 heures, quoi, 10 heures et des brouettes. Mmh. Donc ça veut dire que l'épreuve a été considérablement rétrécie. Sans doute à cause d'un problème de ce type, quoi. Oui. Et je pense aussi que effectivement ça doit être dur à avaler, mais que aussi on peut se dire que de toute façon il y a des chances pour que ce soit, enfin c'était un peu pareil pour tout le monde, et que voilà, c'était cette édition de 2012, elle était comme ça à ce moment-là, mais ce qui est encore plus dur, je trouve, sur des courses comme ça, c'est que les barrières, les problèmes climatiques, on va dire, tu les as pas aux mêmes endroits sur le parcours. Tu vois, tu peux les avoir. Oui, c'est vrai. Tu peux les avoir sur des endroits où tu te galères comme un chien, et des endroits non. Et ce qui peut conditionner un abandon ou pas, ou parfois, je sais pas si du coup il peut pas avoir des problèmes du type on arrête les coureurs à tel endroit parce que les conditions sont trop dégueulasses, mais des coureurs qui sont déjà passés, eux, ils peuvent continuer parce que. Parce qu'ils ont pas, de leur côté, là où ils sont, ils seront pas gênés par, ils n'auront pas d'intempéries. Enfin, ça doit être hyper frustrant quand tu es derrière et que, tu peux même te faire arrêter, quoi, peut-être, quoi. Ouais, mais complètement. Mais là, ce que tu dis là, tu vois, c'est frustrant, je pense, les intempéries, mais c'est frustrant pour tout le monde quelque part. Ouais, voilà, ouais. La chose qu'on a vécue, en fait, 220 bornes transformées en 186, du coup, c'est frustrant, certes. Mais on s'est dit que c'est pareil pour tout le monde. On a l'itinéraire de repli et on franchit une ligne d'arrivée. Alors c'est une frustration, mais dans cette frustration, il y a quand même des choses qui soulagent vachement. Il y avait une ligne d'arrivée quand même. L'épreuve a été maintenue. Ouais. On a quand même fini, quoi, en quelque sorte, l'édition 2017 telle qu'elle était. Maintenant, quand il n'y a pas du tout de ligne d'arrivée et que la course est juste coupée, ça, c'est, je pense, une frustration qui est déjà plus élevée et à subir. Et enfin, le genre de problème où tout le monde ne le subit pas, c'est-à-dire le problème personnel, le truc qui sort de nulle part. Tu t'es jamais déshydraté de ta vie. Ouais, ouais. Et ce jour-là, tu te déshydrates. Et c'est toi, du coup, tu t'abandonnes au 30e kilomètre, hein, 160 km, alors que tu t'es préparé et tu as l'air d'un kéké devant tout le monde parce que t'as couvert quoi ? T'as couvert 20% de la distance que tu envisageais. Mais en fait, quoi ? Mais en fait, c'est juste que ton corps, il a mal réagi à un truc. Et je pense que ouais, cette discipline, pour ça, elle est quand même impitoyable. Ouais. C'est que, parce que je dis ça parce qu'on a eu des discussions quand même avec des coureurs et. Alors bien sûr, t'as les coureurs qui se donnent des excuses, ça arrive, ça existe, c'est évident. Mais après, t'as les coureurs qui subissent des choses qui sont inéluctables, qui subissent vraiment, enfin leur corps réagit d'une manière qu'ils n'ont jamais vue avant, et ils s'en sortent pas. Et ça met fin à leur aventure qu'ils ont prévue depuis je sais pas combien de temps. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on est un petit peu dans la quantité avec Carole, c'est-à-dire qu'il comprend moins au sérieux les épreuves. C'est pour peut-être réduire cette ce sorte de saut à l'élastique, c'est réduire cette déception en quelque sorte, et derrière avoir des épreuves de repli. Si tu mets énormément sur un piédestal une épreuve et qu'elle se passe mal, tu es dévasté. En revanche, si tu ne mets pas sur un piédestal énorme une épreuve et que tu en as d'autres derrière, bah tu es beaucoup moins dévasté dans un sens, vu que tu sais que tu as d'autres choses à faire qui sont d'une importance peut-être pas aussi haute, mais plus ou moins similaire. Après, il ne faut pas non plus oublier que, je vais le redire, je crois que je l'ai déjà dit dans d'autres épisodes, mais ce n'est pas que l'épreuve en elle-même qui est importante aussi, c'est l'entraînement qui va avec. Donc si sur l'épreuve, ça ne se passe pas bien, je comprends tout à fait, hein, je serais hyper déçue moi aussi, c'est exactement pareil. Mais tu peux te dire que tu as tout fait pendant l'entraînement, et après, bah, c'est le jeu de l'ultra, quoi, et c'est le jeu de ce genre de sport, quoi. Voilà. Parce que dépend. Tout à fait. Ça, je pense que ça dépend pour qui. Ce que tu viens de dire, Mardi, ça dépend pour qui. C'est-à-dire, il y en a pour qui la course, c'est. S'il y a une déception le jour de la course, l'entraînement qu'il y a eu avant, ça compte même pas, entre guillemets. Quoi. Okay, ouais. C'est la déception de la course qui prend le pli sur tout. J'allais dire, pour terminer ton intervention, Émir, on demande que tu nous montres. Un petit. Tu nous montres l'utilisation de ta barre de traction derrière que tu nous montres. Voilà. Sérieux ? Qui a demandé ça ? Ah, c'est passé, je l'ai vu. Ah, il y a Joe qui est là. Bah, je fais un petit coucou à Joe. Bienvenue, Joe, ça fait plaisir de te voir là. Je vois qu'il y a, ouais, il y a pas mal de. Pardon, je lis en retard un petit peu. Je sais The Run and Ride qui est là, qui parle de barrière horaire égale tacle au lapin, ouais. Et depuis ça, tu t'es MB 2016, mais qu'est-ce qu'on prend cher, et on est devenu les emblématiques, c'est clair. En fait l'allégorie de la barrière horaire, c'est les lapins runners depuis 2016 depuis 2016, quoi. Le nombre de fois que je me prends ce clash, mais tout le temps, on se le prend genre tout le temps dès qu'il y a une barrière. Alors les gars, hein, alors vous avez un petit tableau Excel sur vous, hein? C'est très bon, ça. Mais ça n'arrête plus, quoi. C'est donc oui, voilà, je pense que c'est devenu le tacle par défaut de notre on s'est donné cette réputation à cause de cette UTMB, hein. Mais n'empêche, on sait autant là c'est drôle, autant on a vraiment pris cher au moment de l'année dernière. Il y avait tous ceux qui étaient vraiment très compatissants par rapport à cet arrêt de l'UTMB en 2016, en disant ouais, vous ferez mieux et tout la prochaine fois, enfin c'est tous les trucs un peu sympas de réconfort. Et t'en as qui étaient vraiment ouais, c'est bien fait et tout, quoi. T'en avais des comme ça, c'est ce dont je parlais un petit peu au début. Parce que tu sais, ça se mérite, l'UTMB. Tu peux pas débarquer comme ça, comme un connard avec des oreilles de lapin. Faut respecter l'épreuve, tu vois. Dit monsieur qui a pas vu ses enfants pendant 6 mois. C'est pour ça, c'est de lui que je parlais un petit peu. C'est de lui. Tu vois. C'est un petit peu ça. Enfin, c'est personne, hein. Je nomme personne parce que en fait c'est pas vrai, c'est fictif, c'est là ce que je veux dire. En même temps, sans revenir sur tous les détails de cette histoire, est-ce que vous avez quand même un peu merdé, quoi ? Enfin, je veux dire. Est-ce qu'on a merdé, tu veux dire, sur l'épreuve ? Dans la gestion sur des barrières horaires. Je me souviens, l'UTMB, qu'il y avait un problème d'info, de choses que vous aviez pas forcément vues ou alors qui n'étaient pas bien passées. Je pensais que c'était assez tiré au clair, mais t'as raison, on va en reparler. Alors, il y a deux choses. Mais c'est assez clair, je pense, hein, dans le contenu qu'on a laissé sur Internet derrière nous. Ouais, pour nos Donc, éditeurs, c'est bien aussi. comment? Pour nos auditeurs, c'est bien aussi. Ouais. Alors, l'UTMB de l'année dernière, on a pris l'habitude. Alors, clairement, il y a une négligence de notre part de lecture de la totalité des tableaux, des documents qui étaient disponibles. Ça, c'est une évidence. On va pas se mentir. Lire les roadbooks en détail, c'est pas ce qu'on fait. Et là, tu as M. Puris qui va nous dire que c'est vraiment essentiel de lire les roadbooks de A à Z, que tout le monde sait ça, que c'est la base. Et ben nous, on n'a pas la base. Ok, c'est la vie. Et du coup, on ne lit pas la totalité des documents. Donc l'info était quelque part, c'est évident. Du coup, nous, qu'est-ce qu'on fait? On arrive sur le trail, on regarde à chaque fois et on demande aux bénévoles, c'est où la barrière d'après? Donc très souvent, il y a des panneaux qui disent la barrière d'après, elle est à tel endroit. Et on demande aux bénévoles, c'est où la barrière d'après, etc. À un moment donné, 130e kilomètre, un truc comme ça, il y a un panneau qui indique le ravito d'après. Sauf que c'était la première fois de la course où il y avait une barrière horaire qui n'était pas un ravito. Donc en fait, la pancarte indiquait le ravito d'après. Nous, dans notre tête, bah, c'est comme partout. Prochain ravito est égal à prochaine barrière. Mais en fait, non, il y avait une barrière entre les deux. Du coup, nous, on ne le sait pas. Ce n'est pas écrit sur place. Qu'est-ce qu'on fait? On fait une sieste et on se fait arrêter par une barrière où il n'y a pas de ravito, la seule du parcours. Et évidemment, elle était écrite, hein, elle était notée quelque part. Hein. Mais Dans le roadbook, voilà, quand tu te fais quand par tu te fais pas exemple. tous les docs. Comment? Dans le roadbook, par exemple. Dans l'un des il y avait pas mal de sources hein, du parcours. Il n'y en avait pas qu'une seule. Dans un des roadbooks d'ailleurs que j'ai mis dans la vidéo, hein, il y a carrément un document D'accord. numérique, je l'ai mis dans la vidéo de l'UTMB si vous souhaitez la voir, ou tapez juste UTMB Lapin Runner, vous tomberez dessus. Je l'ai mis et effectivement elle y est. Mais là encore, elle est pas. Je pinaille un tout petit peu, mais elle n'est pas exactement indiquée comme les autres, vu que c'est pas un ravito. Donc elle est indiquée à un niveau différent. Et quand t'es pas très lucide. Et eh ben tu le vois pas. C'est pour d'où l'intérêt de regarder à l'avance les barrières. Nanana, je sais, maintenant on a compris. En tout cas, moi je me félicite que vous soyez planté pour Oh. mais ouais, comme ça non mais je trouve ça cool aussi que ça prête à un peu d'autodérision ou un peu de chambrage quoi. Il faut bien le Bah. prendre, je pense. Ah, il faut Après bien, mais ça c'est une évidence qu'il faut bien le prendre. Ça, enfin, tu vois, enfin, je pense que ça c'est quelque chose. L'autodérision, moi c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Je pense que c'est un secret pour personne. Donc ça, c'est quelque chose qui vous suivra et qui sera qui vous caractérisera un peu et je trouve ça cool. Ah ouais, c'est déjà gravé là. C'est déjà gravé. Lapin runner est égal à barrière horaire. Les gars qui se sont arrêtés par la barrière de l'UTMB. Du coup, maintenant, va falloir retourner dans cette machine à thunes là, putain. Tout ça pour nettoyer ce bazar qu'on a laissé derrière nous. Bah, bon, on parle de l'UTMB, on comptait en parler de toute façon, un peu plus généralement. Bah N'est-ce pas, oui, les tout à gars? fait. Oui, puisque ça fait Ouais, partie des ça fait actus. partie de l'actualité très très proche là maintenant. Je vais juste inviter, avant qu'on parle de l'UTMB, je vais inviter les bonitos dans le chat à poser maintenant vos questions, les thèmes que vous voulez qu'on aborde, etc. Écrivez-les dans le chat maintenant. On va parler un petit peu de l'UTMB le temps que vous ayez que vous ayez le temps de tout nous écrire. Et on abordera après ensuite les thèmes que vous nous aurez suggérés. Voilà. Donc ouais, ben, l'UTMB, alors l'UTMB, bah ouais, actualité. Actualité du moment dans le Dans le monde du monde du trail. running, et puis même pas du Ouais. monde du running, je crois que tout le monde maintenant, je pense que même mes parents qui connaissent rien à la course à pied et qui n'ont rien à faire du tout, je suis sûre qu'ils vont m'en parler de l'UTMB. Donc ouais, bah, qu'est-ce qu'on en Son pense? style tes parents. Mais je pense c'est tellement, je suis sûre qu'ils vont en parler aux infos, enfin les trucs comme ça maintenant, l'UTMB. Oui. Ouais. L'ultra trail du Mont Blanc. L'ultra trail du Mont Blanc, ouais. Ouais, ben déjà on va en entendre beaucoup parler parce que d'après ce que j'ai entendu dire, il y a un plateau particulièrement relevé cette Ouais. année avec la présence de Kilian Jornet, François Denne et qui d'autres, je ne sais plus, des Américains qui Tim sont aussi Wensley. présents. Américains. Moi, je vote pour Voilà. lui. Tiens, Ok, d'ailleurs, les ben. bonitos, là. On fait un tiercé. Team Kilian versus Qui c'est qui va gagner? Team Kilian faites du bruit versus Team François Denne faites du bruit dans le chat. Déjà, vous, qui sentez-vous vainqueur cette année. Ouais. Parce qu'il va y avoir de la bagarre si s'il y a Kylian Jornet, François Den qui doit être champion du monde de quelque chose là, de trail, maintes fois vainqueur de l'épreuve, de la diagonale des fous, de tout ça là, je sais plus trop. On a notre vote pour Jim. Moi aussi, Jim Wensley, l'américain. Non, moi je dis l'allemand Günther Frau qui a gagné, qui a fait quatrième à la Diagonale des Fous en 2011. Je connais pas. C'est vrai, le fameux Günther connu de tous. Günther Frau, voilà. Retenez bien ce nom, Günther Frau. Il y a Rémi, t'es en plein fantasme, François Kiki ex aequo là. Je veux pas qu'ils se donnent la main aussi en mode. Hein, ça, les finishes entre trailers à deux trailers qui arrivent main dans la main. L'esprit trail, David. Trail. Ouais. Notre Rémi, il en fantasme là. Ce serait trop beau. Ouais. En tout cas, bon, dans le chat, c'est Kylian. Hein. C'est Kylian qui gagne. Émile, pour lui, ce serait peut-être Sergi. Et c'est pas bête. Et c'est pas bête parce qu'effectivement, il a l'air bien préparé cette année, contrairement à l'année passée où il s'est aussi fait avoir par les barrières horaires. Oui, c'est vrai qu'il y a Xavier Thévenard aussi, tout à fait. Plus effectivement tous les Espagnols, Team Salomon et tout, il va y avoir du bon monde. On n'est pas des spécialistes, mais on vous fait confiance. On a un vote pour Pierre-Ambroise Boss. Ouais, c'est juste sur le sprint final. Il termine main dans la main avec le chat. Ah oui, avec le chat, ouais. C'est ça. McGregor nous propose Nicolas Degan. Ok. C'est du... Bah, de toute façon, j'ai toujours dit l'esprit trail, tout ça et tout, c'est n'importe quoi. Le trail, pour moi, c'est pas très loin du MMA et tout ça, quoi. Donc McGregor, ouais, il a ses chances. Ok. Bon, on revient sur... Voilà. Sinon, en parlant du TMB, il y a aussi, on peut l'évoquer quand même, il y a aussi une des raisons pour lesquelles on en parle là, c'est que il y a aussi une polémique avec l'effet Kylian. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais il y a eu des décès. Sur le chat, on en a parlé là, ouais. D'ailleurs, j'ai un peu dévié le truc là, mais allez-y, les bonnets toujours dans le chat, envoyez les thèmes sur lesquels vous voulez qu'on discute hein, après l'UTMB. Voilà. On apprend que Pierre-Ambroise Boss s'est fait agresser, j'ignorais. Ah, non, je ne savais pas non plus. Ouais. Ah, d'accord. Merde. Okay. Ouais, non, mais c'est Émile qui dit ça. C'est sûr ou c'est pas sûr? C'est Émile qui nous troll. Ouais, je sais pas. Non, il y a trois personnes différentes qui le disent. Ah bon? Écoute, on suivra ça, on gardera. C'est les aléas du direct, je sais pas. Non, mais oui, donc on disait que Kylian Jornet est aussi sous le feu des projecteurs pour une polémique qui concerne le décès d'un trailer qui est parti se balader sur le Mont Blanc. Ouais. Ouais, enfin, avec un équipement de façon imprudente, ça, on n'en est pas vraiment sûr. Moi, j'ai vu passer une lettre que son père a écrite et c'était pas les mêmes versions que ce qu'on entend. Parce que je sais pas si tu as vu, on circule des conversations sur Facebook où il est averti que il y a eu un mort récemment ou un accident et que il sera peut-être empêché de passer ou je sais pas quoi, enfin, et où il se moque, où il semble se moquer de cette interdiction, le prend un peu à la rigolade et voilà, et on sait ce qui s'est passé après. Mais surtout, alors je ne sais pas ce qu'a dit son père, et je n'ai lu que quelques articles sur la question, et il est possible que je n'ai pas tous les paramètres et qu'on ne sait pas toute la vérité là-dessus. Mm-hmm. Et puis de toute façon, qu'importe, hein, il y a une vie qui est... Enfin, une personne qui est décédée, et bon... Le résultat est le même, malheureusement, ouais. C'est bien triste. Par contre, effectivement, ça a pour conséquence une montée au créneau et levée de bouclier des personnalités politiques locales qui... Enfin, ils estiment qu'il y a un effet Kylian et un effet d'imitation. Et voilà, donc il y a toute une polémique autour de ça. Et je sais pas ce que vous en pensez, vous. Moi, je pense que c'est un peu démago, mais bon. Ça discute bien sur le chat. Je vois qu'il y a quelques remarques qui indiquent que le gars était peut-être un peu léger sur, C'est ce que tu dis là, peut-être un peu trop inspiré par Kylian, sans en avoir les épaules en quelque sorte. Hein. Tout n'est pas Kylian qui veut en quelque sorte, on ne peut pas débarquer comme ça et faire pareil. Maintenant, ce qu'on se dit là, c'est un sujet mais qui s'applique à tous les domaines. Est-ce qu'il faudrait que sur chaque vidéo de Kylian, il y ait marqué en bas, attention, ne pas reproduire, cet homme est un professionnel? C'est ça qu'on est en train de se dire, enfin, je sais pas. Tout à J'ai fait, pas l'impression. il y a la notion de responsabilité individuelle aussi, Ben je veux dire. ouais. Est-ce qu'il faut vraiment. Enfin, moi je me dis, est-ce qu'il faut vraiment dire que c'est la faute de Kylian ou c'est la faute de quelqu'un qui est médiatisé de pratiquer à la manière dont il a envie de pratiquer? Est-ce qu'il devrait se brider lui-même ou dégager une image plus prudente, soit parce que maintenant il a atteint un niveau médiatique plus important? Mais non, enfin je Pourquoi crois pas. pas, moi je Honnêtement, trouve. je ne crois pas. C'est juste à nous de pas être stupides. Ouais, Voilà, c'est. bah, justement, c'est passé dans le chat là. Un certain Mathieu qui a dit justement, c'est aussi une éducation d'éducation de chacun. Notre propre. Alors, moi je pense que oui, c'est une question d'éducation, il n'y a pas de souci, même j'irai même plus loin en parlant de responsabilité aussi. Mais je pense quand même que quand tu. Parce que toutes ces vidéos sur le Mont-Blanc de Kylian Jornet, on en a vu beaucoup là avec Salomon ces derniers temps, ça a fait quand même pas mal de buzz. Et je trouve que malgré tout, alors c'est bien, mais on glorifie beaucoup ça. Et On parle alors pas assez des. un peu de Ouais. prévention, je vois pas ça non plus d'un mauvais œil, tout en Ouais, exactement, ouais. n'accusant pas Il faudrait plus Kylian insister un petit Jornet peu parce sur le que moi je. côté, voilà, le gars il fait ça, mais attention, il fait ça depuis toujours. Enfin. Non, mais lui il a déjà repris un peu, il expliquait que tout le monde ne pouvait pas le faire, hein, Ouais. il a fait sa part, quoi, Ok. il n'y a pas de souci là-dessus. Mais voilà quoi, en même temps qu'on glorifie beaucoup ce genre d'exploit ou d'accomplissement, on va dire, de réalisation, en même temps, je trouve que un petit peu de prévention de temps en temps, ça fait pas de mal, quoi. Enfin, voilà. Ouais, exactement. Après, la prévention, ouais, non, c'est vrai que la prévention, Tu c'est as le. partout. Mais maintenant, est-ce qu'il faut vraiment dire aux gens, oui, peut-être, faut vraiment dire aux gens, faut vraiment que Kylian fasse une vidéo et On est dise, d'accord. les gars, vous allez me voir en train de pratiquer mon sport à ma façon, faites pas pareil. C'est vraiment. Ça mange pas de pain, c'est Déjà, vrai. il faut On pas est leur d'accord, ça laisser mange pas de pain. Maintenant, les laisser voilà, jouer je à ça. pense aussi fort, comme tu disais, la responsabilité individuelle, quoi. Ouais. Est-ce qu'il faut dire aux enfants qui jouent Pardon, à mais bon. GTA de pas faire pareil et de pas tabasser les gens dans la rue pour ramasser une liasse de billets, Il n'y a rien de tel que le serpent, quoi. Snake. Voilà. Et le monde quoi. Ouais, partira pas ça c'est en les vrille. conseils de parents qui débarquent au milieu Les de gens nuit. cesseront de porter du Mizuno. Ouais, c'est vrai. Voilà, enfin. Voilà. Est-ce que vous voulez parler un peu plus de l'UTMB ou on passe à des thèmes qu'ont suggéré les bonitos sur le chat là? Bon, on souhaite bon courage aux participants, là, c'est parti. Parce que l'UTMB, c'est pas non plus qu'une course. Ça, on l'a pas Ouais, c'est dit, mais pas une hein, seule. il y a des tas d'épreuves comme ça qui sont parfois même très, très, enfin plus longues. Ça, c'est l'UTMB, il y a l'épreuve Rennes, bien sûr. Là, dans quelques heures, va partir l'épreuve l'OCC, je crois. Il me semble, ouais. Qui doit être, je sais La plus. TDS est déjà Ouais, c'est partie. déjà La parti. TDS est partie il y a une vingtaine d'heures, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc la nuit de la TDS, l'unique nuit de la TDS est en cours en ce moment. Ok. Et l'UTMB va partir demain soir, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est demain, ouais, l'UTMB. Si c'est comme d'habitude, c'est demain soir. Et David, toi, ça te plairait de le faire, l'UTMB? Moi, quand je participe à des courses comme ça, ce que j'essaye avant tout, c'est de jouer la gagne. Donc, peut-être pas tout de suite. Dit-il avec son truc de. C'est Oui, clair. je Dès le porte début, il essaye de déstabiliser la une tenue concurrence. Il part à particulière. 22 à l'heure, ça, le gars. Ouais, non. Avec des bâtons qui l'agitent dans tous les sens, histoire de. Alors, pour répondre Histoire honnêtement. d'effrayer la concurrence, bien sûr. Ah, ça y est, Michel Lanne a remporté la TDS. Ah, C'est possible, j'ai vu quelques vidéos passer. Ouais. Non, mais l'UTMB, bah, tu sais, je suis un piètre trailer. J'ai beaucoup de respect pour les personnes qui participent à ce genre d'épreuve. J'ai pas de désir particulier d'y participer. C'est pas vraiment dans mes. J'estime que c'est pas dans mes capacités, quoi. Enfin. Et le côté que c'est une énorme course, etc. Ouais. Ça te dérangerait pas la machine UTMB, ben justement, ouais. à ce niveau-là, quand je regarde les vidéos, je suis naturellement plus attiré vers des épreuves type UT4M qui peut-être drainent beaucoup de monde, je sais pas. Hein, mais en tout cas, les images que je vois m'impressionnent moins, donc me font moins peur et me donnent plus envie, quoi. Ouais. Notamment quand on voit des formules du type challenge 40 km par jour, au moins courir deux jours, parce que l'UTMB ça veut dire aussi courir la nuit, ça veut dire déjà ça veut dire avoir des points que de toute façon j'aurais pas, quoi. Voilà, donc c'est déjà l'idée. Ouais, bah ça aussi c'est un autre sujet sur l'UTMB, quoi. Oui, ouais. Tout à fait. Et toi? J'assiste à un débat avec beaucoup de respect, c'est cool, j'aime bien. J'aime bien, ça se fight très très gentiment avec politesse là dans le chat, sur un débat sur pour ou contre la prévention. Ah. Enfin, tiens, d'ailleurs, on demande à David s'il préfère le TMB au trail de la Côte d'Opale. C'est dur parce que les organisateurs du trail Côte d'Opale sont quand même des espèces d'enfoirés. ça a mis du temps à sortir, mais c'est sorti. On se demandait, il y avait du suspense. Je participe au Trail Côte d'Opale parce que c'est tout près de chez moi. C'est un coin très mignon. Les organisateurs sont un peu bourrus, c'est vrai. Et ça, c'est de notoriété publique, quoi. Voilà, quoi. Donc je préfère le trail de la Côte d'Opale, oui, parce que c'est près de chez moi, j'ai pas besoin d'aller à la montagne là-bas. Okay. C'est trop loin. Ok, très bien. Bon, on va passer au thème qu'ont abordé les que nous ont posé là, sur le chat, les bonitos. Il y a eu pas mal de questions, enfin j'ai vu deux questions, j'espère que j'en oublie pas, qui sont passées sur le côté récup, notamment Emir après le GRP par rapport à un marathon, j'ai vu passer ça. Comment tu récupères après ça? Y a pas de méthode spécifique. Je fais attention à avoir des apports en protéines qui sont plus élevés qu'à la normale. Donc je m'assure de consommer, on va dire, dans les 50 à 70 grammes sans mesurer. Hein. Bien sûr, je mesure jamais, je pèse pas et tout. C'est juste que si je peux avoir des barres protéinées enrichies en protéines, si je peux faire en sorte d'avoir des rations de féculents riches en protéines ou de céréales riches en protéines, je le fais. En particulier sur cette période, je fais beaucoup plus attention à avoir cette ration-là que quand on est normal. Voilà, parce que j'ai en tête que protéines et acides aminés est égal à récupération plus rapide. Donc c'est ce que je fais. Sommeil, j'ai même pas besoin d'y faire attention parce que le sommeil, j'ai l'impression que j'ai plus besoin de dormir, donc je dors un peu plus les nuits qui suivent. Et honnêtement, mis à part ça, je ne fais qu'attendre et les quelques courbatures se résorbent. Voilà, donc sans plus, hein. Vraiment sans plus, il n'y a pas de recette miracle ou quoi. Un apport protéinique important, plus important on vient, si on vient jamais te dire dans le chat, tu peux pas avoir de protéines, Emir, t'es vegan. Ah, c'est vrai, il y en a qui ont relevé la mascarade. Bien sûr. Il y a des gens éveillés dans ce chat, non, c'est vrai. Ouais. Il y a des gens éveillés dans ce chat, effectivement. Je ne peux pas, effectivement, donc je ne fais que dormir. Et niveau... Je mange du houmous, voilà, et du tofu. Moi, je vais te demander, parce que ça m'intéresse. Et vous allez reprendre la course quand? Comment ça se passe? C'est quoi que tu appelles reprendre la course? Bah, vraiment recourir, quoi. Running. Ouais, ouais. Bah, c'est fait, déjà. C'était lundi, je crois. Ouais, c'était lundi. Donc deux jours, un jour et demi après. Non, pas de coupure. Je Ok. ressens, on ressent pas le besoin. On ressent pas le besoin de faire une coupure en particulier. Donc, c'est comme c'est full ressenti. C'est vraiment tout le temps comme ça. Hein. C'est que du ressenti. Si on a envie d'y aller, on y va. Si le corps y répond, on y va. Donc, tout simplement, on avait envie, on est reparti. Voilà, c'est Ok. fait. Et puis, ce week-end, semi de la braderie de Lille avec David. On va se voir Ah bon? physiquement. Et oui, Purée, mais vous me on cachez des va faire trucs, la les gars, course. quoi. On va faire la course. Ouais. Ah oui, d'ailleurs, on enregistre un podcast. Tu savais pas. Ouais, Comment? non, j'étais pas au courant. C'est pas Bah, grave. c'est parce que tu suis pas suffisamment les médias qu'on met en ligne. C'est pour ça. C'est tout. Ce n'est que ça. Hein. Ouais, Tout est de non. ta faute, Je me sens Marty. persécutée. En tout cas, je note que Tout pour ce qui est récupération d'épreuves longues et éprouvantes, tu me poses pas la question. Mais si, David. Bah si, t'as fait un Ouais. 5 km, Je. je le Depuis quand rappelle. tu fais des épreuves longues et Voilà, c'est ce que éprouvantes? j'allais dire, justement. Eh ben, Ah bon? tu Ah me poses bon? pas la question, Margie, mais moi, je vais te la retourner quand même. Toi, comment tu fais? Parce qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais tu sors d'une longue épreuve, toi aussi. Oui, Raconte-nous. oui, Ah ça y est, on lance le sujet là? Bah oui. Ok, allez. oui. Ouais. Donc oui, ce Qu'est-ce que tu as week-end, ouais. fait? Qu'est-ce que tu as J'ai commis? fait donc... Quoi? Qu'est-ce que tu as commis? Qu'est-ce que j'ai commis? J'ai commis l'irréparable. Hein. J'ai mis un pied dans l'ultra. Ah, ça y J'ai... est, le mot est Ouais, lâché. ouais, Ça y est, le mot est ouais. lâché. Ouais, elle est Et je tombée crois que dedans. Et personne s'y attendait à celle-là. Et personne l'a vu arriver. Non, franchement. Sérieux? Et ouais, non, non, mais je pense que d'ailleurs c'était... Je crois que je vais pas y mettre qu'un pied. Je pense que j'aurai envie d'y Tu vas retourner. réitérer. C'était quoi Ah, cette c'est épreuve drôle cette exactement? connerie. C'était donc un 50 miles, ça fait 80 km. Non mais si vous convertissez les amis là, 50 miles ça fait jamais 80 km. Ça fait 22 je crois. Bah, ils étaient longs Escompté. ces 22, je peux te le dire alors. Ouais. Donc ouais, en montagne, enfin en montagne, ouais, dans les montagnes de Californie. C'est quoi les montagnes de En... Californie? San Bernardino Mountains. Waouh. Il y a aussi les Santa Monica, là où je m'entraîne. Santa Monica Mountains. Il y a plein de montagnes. C'est pour ça que d'ailleurs que on peut avoir des tremblements de terre. Et oui. Ouais. Yes. En attendant de recevoir les missiles. Oui, c'est ça. Ouais, ça aussi. Ça, c'est une autre truc. Alors Donc, raconte-nous ouais, cette course. 80 km en altitude, bah, c'était Quel très, très début sympa. ce mardi? Ah, attends, je vais vous montrer à la caméra parce que moi, je ne le, je m'en, enfin, je m'en fiche, je le sais pas. Et je l'ai cherché avant le live pour pouvoir vous le dire. Exactement, regarde, je l'ai marqué. Alors, 27. on va essayer de le lire pour les auditeurs. Ça fait 18 mètres de D+. Ouais, c'est pas mal. Alors, ça faisait donc 2300 mètres de dénivelé 2300 positif. mètres. Waouh. Voilà. C'est chouette pour un premier. Ouais. Donc, ouais. Alors, Bon, comment après, ça j'ai. s'est passé? Comment tu t'es préparé? Raconte-nous, parce que on ne parle pas assez de toi dans ce podcast. C'est clair. Parce qu'il faut quand même dire à nos auditeurs que tu nous l'as caché assez longtemps, cette Bah, ouais, participation. c'est vrai. Je l'ai pas dit. Je l'ai dit à personne en même temps, hein. Il n'y avait que mon Playboy personnel qui était au courant. Ouais. Mais pourquoi est-ce que tu es superstitieuse? Non, non, c'était pas la superstition. C'est que je pensais moi-même que j'arriverais pas jusqu'au bout du truc. C'est par humilité. Non, bah, je sais pas, j'avais pas envie qu'on me dise ah ouais, c'est cool, tu vas le faire. J'avais pas envie que. Ouais, parce que dans ma tête, c'était. Je m'entraînais pour ça. Et si jamais à tout moment ça me plaisait plus, si c'était une contrainte d'aller m'entraîner ou etc., j'arrêtais tout et puis c'est tout quoi. Et c'était pas grave quoi, en gros. Moi, le but, ce qui m'intéressait, c'était de me lancer un défi et de me dire, vas-y, est-ce que t'es capable de t'entraîner pour un truc pareil? Et est-ce que t'es capable au final de faire cette course quoi? Voilà. Donc ça voilà. C'est pour ça que j'en ai pas parlé parce que. Puis en plus, le dire, ça le rendait concret, ça donc le rendait beaucoup plus effrayant. Alors les conditions étaient comment en fait? C'est-à-dire que nous on se rend pas bien compte parce que tu es quand même à quelques milliers de kilomètres de Ouais. chez nous. Est-ce que la température c'était quoi? Est-ce que vous avez eu du temps, du beau temps? Est-ce que il a fait chaud? Est-ce que le terrain comment était-il? Est-ce que c'était sec? Est-ce que c'était voilà, dis-nous un peu. On partait à 5h du matin, donc en montagne à 5h du matin, il faisait un peu frais, mais ça allait quand même, ça aurait pu être plus froid, il faisait 10 degrés. Je suis partie en débardeur, ça allait quoi, j'avais pas besoin d'autres trucs. Par contre, dans la journée, c'est monté à plus de 30 degrés et ça a commencé rapidement enfin, la chaleur était difficile à supporter. Enfin, ça a été une variable difficile quoi, dans la course. Ensuite, au niveau terrain, c'était beaucoup de cailloux. Enfin, ça dépendait des endroits, quoi. En fait, il y avait. Ouais, on descendait dans un canyon pendant le parcours. On était à la moitié dans le canyon en bas. Et c'était beaucoup de cailloux pour descendre, un single track hyper pentu. Et remonter, c'était aussi très pentu, au moins sur les 5 premiers kilomètres. Où c'était en zigzag avec également beaucoup de cailloux, d'arbres à passer, c'est-à-dire on passait au-dessus des troncs d'arbres qui étaient par terre, quoi. Enfin, c'était un peu pour courir dans cette partie-là, on pouvait pas. Donc ouais. Beaucoup de cailloux dans le canyon. Et puis après, c'était plus de la terre, etc. Enfin, cailloux, terre. Ouais. C'est quand même la classe de pouvoir dire j'ai couru dans un canyon, quoi. Ouais. Il y a The Run and Ride qui nous demande si pour participer à cette épreuve tu as fait une prépa un peu auto-coachée, un peu comme nous tous souvent, ou est-ce que tu avais un coach, ou est-ce que tu peux dire comment tu te prépares? Moi mes plans d'entraînement, je fais des plans d'entraînement, mais je me les fais moi-même. Donc j'avais regardé aussi sur internet un petit peu et tout, et puis j'ai mixé des trucs et pour les ultras comme ça, j'ai mis l'accent sur. C'était la première fois que je le faisais. J'ai mis l'accent sur ce qu'on appelle. Je ne sais pas comment le dire en français, c'est un nom spécial. Ici, on appelle ça les back-to-back long runs. C'est-à-dire que tu fais deux long runs d'affilée, quoi, en fait. D'accord. Tu fais deux grosses distances un jour sur l'autre, quoi. Voilà. Mais est-ce que pour te préparer, est-ce que tu as eu recours à. De la lecture du type La magie du running d'Anne de Bendilou. Oh punaise, tu es arrivé à me le placer. En plus sur moi, c'est moche ça. Non, parce que je sais que. Allez, on peut le dire. Tu m'as demandé quelques scans du livre. Ouais. Parce qu'il n'est pas. Il est pas arrête, il est pas on est en live, on est en live. Arrête de tout dévoiler. Ok, bon. E-book. Ouais, e-book en PDF. C'est ça. Bon. Il a piraté Anne de Bendilou. Voilà. Mais non, mais elle n'est pas distribuée aux États-Unis pour l'instant. Voilà. Pas traduit. Pour l'instant. Ouais, il y en a d'autres comme elle ici. Ah ouais, super. Je vais. Mais venir. Non, je me suis pas inspirée d'elle. Ça n'a pas été magique. Je suis déçue. Bon, et donc, tu as conclu ça en combien d'heures? En une petite 5-6 heures vite fait ou quoi? Ouais, ou... vite fait. Non, 13h15. Est-ce que tu as affronté la nuit, le départ? La nuit, le départ, quoi. Pour une heure, c'était. Mais alors, par contre. Ce lever de soleil, je l'oublierai jamais, je crois. C'était superbe, quoi, dans les montagnes. Ah ouais. En fait, finalement, c'était. Je m'étais entraînée, j'avais essayé une fois de courir avec une frontale. Hein. Je le fais pas. Enfin, je sais pas, je le fais pas souvent, quoi. C'est pas un truc. sur les trails. Et franchement, je pense que je le referai plus souvent. Ça, parce que c'est superbe, quoi, de courir au petit matin. Ouais. Ok. C'était bien. Et Marzi, j'ai une question de ouf. Ouais, vas-y. Est-ce que maintenant que tu as fait ça, ouais. Est-ce que tu penses que l'ultra c'est accessible à tous? Non, parce que il faut déjà la détermination pour s'entraîner. Je pense qu'il faut ça se respecte encore plus que la course à pied sur route, parce que t'as beau être entraîné, t'être entraîné surtout entre guillemets. Ça peut vite partir en cacahuète. Et puis, surtout, c'est que t'as pas forcément du support partout, tout le long du parcours, ce qui est normal. Enfin, tu passes dans des endroits qui sont reculés, quoi. Donc, t'as les checkpoints. Mais bon, si t'es parti comme ça, en goguette, et que ça se passe mal, c'est hyper dangereux aussi pour l'organisation de la course. Donc, je pense pas que c'est pour tout le monde. Ouais, je pense pas. Donc, alors tu dis c'est pour tout le monde, ok, donc c'est pas accessible à tous pour toi. Bah enfin ouais, non je crois pas. Ok. Enfin ouais, en tous les cas, si tout le monde peut le faire, mais il faut qu'il soit déterminé dès le début, quoi. Je veux dire, il faut pas qu'il s'inscrive comme ça au dernier moment à une épreuve en disant tiens je vais essayer de faire un ultra, quoi. Est-ce que... ce qu'on peut... Je pense que peu de gens font ça, à mon avis. Ouais, voilà. Je crois. Parce que tu vois, par exemple, on peut très bien le faire, pour, je pense, pour un semi-marathon, en te disant, allez, un semi-marathon, t'arriveras au bout, ce sera pas hyper plaisant, mais t'arriveras au bout, et tu n'auras pas mis les autres en danger, tu seras mis peut-être un peu en danger, mais sur un ultra, ben, le problème, c'est que tu mets aussi la responsabilité de l'organisation de la course en danger, etc. Donc, ouais. Tiens, c'est lié justement, est-ce que, comment ça se passe aux États-Unis au niveau du matériel obligatoire, c'est comme chez nous, c'est... Non, alors là, ils sont beaucoup plus... Ouais. D'ailleurs, j'avais pris une photo pour ma mère, parce que ma mère... Mes parents ne comprennent pas trop le côté... Enfin, le côté se pousser et chercher ses limites. Et ma maman, avant la course, m'avait confort, dit ouais. « Je m'inquiète surtout, si tu te sens mal, tu t'arrêtes. » Bon, je me suis dit, bon, comment te dire, si je me sens mal, ça va forcément arriver. Mmh. Et donc, en fait, au début, quand tu vas chercher ton dossard, tu remplis une feuille en disant que tu comprends les risques que tu prends, que tu ne poursuivras pas les organisateurs de la course, que tu risques la mort, etc. Enfin, moi, c'est marqué sur la feuille, quoi. Et ils te demandent rien, hein, non. T'as pas besoin de... Au niveau des barrières juste... horaires, demande 1000, justement. Comment ça se passe ? Ouais, il y en avait aussi. Il y en avait aussi. C'est strict ou c'est plutôt. Bon, il faut savoir qu'il y avait un 100 miles qui était en même temps. Donc 42 km. Hein ? 100 miles, 42 km, ouais, c'est à peu près ça. Ouais, c'est ça. 160. 160. Et en fait, le 50 miles, c'était la fin du 100 miles. Donc du coup, on se retrouvait avec la fin des 100 miles, d'accord. Quoi, qui faisait le 100 miles. Et du coup, les barrières horaires correspondaient aussi à eux, quoi. Enfin, ok. Donc, je ne sais pas si pour nous, c'était très short. Je ne pense pas trop, mais... Est-ce qu'il y a des gens qui se sont fait prendre par la barrière horaire ? Ouais. Ouais. Bah, je connais quelqu'un, justement, qui est le pauvre... Enfin, à la fin, il m'a dit c'est la première fois de sa vie qu'il est arrivé. Il a franchi la ligne d'arrivée 7 minutes après la barrière, quoi. Les boules. Bon, il a fini quand même la course, tu vois. Enfin, bien sûr, c'était permis, ouais. On l'a laissé faire. Il y a The Run and Ride qui demandait si tu avais réussi à faire une petite placette sympa. Et justement, pour pas tout dévoiler, mais quand même un peu, on échangeait des messages avec ton Playboy. Ouais. Et il nous disait, là, attention, Margie, a priori, elle est quatrième féminine. J'ai vu passer que trois féminines, dont une qui était bientôt en train de mourir. Donc c'était bien, ouais. Il s'en réjouissait d'ailleurs, parce qu'il se disait c'est cool, il y a quelqu'un, non, certes, il y a quelqu'un vrai, qui va mourir, lui. Mais tu vas finir dans le podium, sur le podium. Et alors est-ce qu'au final tu fais une petite placette sympa ? Je finis cinquième, voilà. Ce qui, cool. Bon, ça me fait plaisir. Il faut savoir que, bon, ouais, quand j'ai croisé ce que tu as dit, donc mon Playboy, c'était au premier checkpoint. Je suis passée dans quatrième. Moi, je ne le savais pas parce que c'est hyper difficile de savoir où tu es placée. Hein. Ouais. Suivez après le canyon. Et c'est à partir du canyon où, pour moi, enfin, après le canyon, que les choses se sont compliquées. Parce que j'ai commencé à ne plus pouvoir manger dans le canyon. Et j'étais à la moitié de la course. Et il faisait très chaud. Je pouvais boire toujours. Mais donc, du coup, après, c'est parti en cacahuète. Et. Sur la fin, il y a donc la quatrième qui m'a dépassée. Quoi. Je l'ai vue passer. Tonnerre, je ne pouvais pas la rattraper. J'étais en hypoglycémie. J'étais sur un tronc d'arbre en train d'essayer de faire passer le truc. Donc, c'est pas, je m'en fiche de la place. Quoi, mais, et puis même, j'aurais été bien, je pense, vu les temps qu'elles ont fait les premières, les trois premières, j'aurais pas rattrapé ça. Mais Émile, il dit quand même, cinquième sur 56 800, c'est pas mal. Ouais, c'est ça, faut le dire. C'est beau. Non, cinquième sur... je sais pas, on était 65 coureurs, je crois, ou 70 sur le 50 miles. Est-ce que tu voyais des coureurs quand même autour de toi, ou est-ce que c'était assez étiré et... C'était assez étiré, voilà. Mais dans le canyon, on a croisé pas mal de 100 milers, les pauvres, qui avaient démarré la veille, en fait. Hein, ils avaient démarré la veille à 9h du matin. Et donc, on en croisait, qui, eux, étaient donc, du coup, au niveau du presque... 80, pas tout à fait 80e mile. Mm-hmm. Et il y en avait qui n'étaient pas en très bon état, quoi. Voilà. Donc là, tu peux sortir sur ton blog, j'ai testé pour vous un ultra dans un canyon aux États-Unis. Ouais. Et ben alors là, franchement, respect. Hein. Ouais. Mais c'est une très belle expérience. Moi, je sais que, enfin, en tout cas, je regrette pas. Je regrette rien parce que bah, la nutrition, etc. Je sais que maintenant j'ai à travailler sur la nutrition, l'énergie, parce que c'est l'énergie qui a flanché, hein, parce que j'avais le lendemain, j'avais pas hyper mal aux jambes. Enfin, bien sûr, j'étais courbaturée, mais c'était pas ça le problème. Donc, je sais qu'il faut que je travaille là-dessus, donc c'est hyper intéressant. Et j'aurais pas mieux, enfin, pu m'y préparer parce que j'ai couru avec la chaleur pendant l'été. J'ai mangé comme j'ai mangé sur les entraînements. J'ai jamais eu de problème aux entraînements pour manger. Donc bon, voilà, c'est comme ça. C'est le jeu de l'ultra, je pense. Justement, en parlant de manger, il y a Léon Lapomme qui troll et qui demande s'il y a besoin d'un certificat médical quand on est vegan carencé. Non, même pas, parce qu'on signe une décharge. Parce qu'on est forcément carencé. Voilà. Oui, une décharge, ça fiche, quoi. Faut surtout pas le dire, sinon on t'empêche de prendre le départ. C'est ça, les gens se précipitent sur toi, ils se jettent sur toi... pour t'empêcher de participer, quoi. Aux États-Unis, tu sais, tu fais ce que tu veux à partir du moment où on a vu pas mal t'as signé la décharge. On a vu pas mal de réactions sur le chat sur l'idée de certificat médical, d'autorisation, tout ça. On a l'air de dire quand même que dans plein de pays européens, comme nous dit Léon, Suède, Danemark, moi je peux dire Belgique, Pays-Bas, on est parfois plus souple pour ce qui est du certificat médical. Parfois il n'y en a pas besoin, c'est voilà. Et alors, comme le dit Nicolas aussi, et moi je l'ai vu sur un 400 mètres enfant sans certificat médical, c'était pas possible, tu vois. Et, ah ouais, et ouais, c'est vrai. Alors quand même que normalement tes enfants, tu les enfants sont assez bien, moi qui ai des enfants je peux vous le dire, ils sont assez bien suivis par les médecins, ne serait-ce que à l'école ils ont il y a des visites obligatoires. Et ouais, les enfants, voilà quoi, 400, s'ils peuvent pas faire un 400 mètres en courant, c'est qu'ils ont un problème, et généralement, il y a de grandes chances qu'il ait été détecté, quoi. Mais bon, c'est tellement tendu, assurance, sécurité, protection, surprotection, et litige, et voilà, et que ben voilà, on en arrive là en fait, pour un 400 mètres, certificat médical. Ouais. C'est un peu abusé. C'est ridicule. Ouais. On avait fait la même pour mon neveu qui avait fait. Je l'avais emmené sur un 1 km. J'avais pas de certif. Ils m'ont dit t'es bloqué, je sais pas quoi. Je sais plus trop comment je m'étais débrouillé, mais en général, parfois tu changes de bénévole, hein. Tu prends la petite vieille, la moins regardante. Sauf leur respect, hein. J'aime beaucoup les petites vieilles. Et ça passe. Mais franchement, petite astuce, si vous êtes en galère, changez de bénévole. Parfois ça marche. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est ridicule, c'est tellement ridicule. 1 km pour un enfant, on demande un certificat, et tu sais, parfois sur leurs grands chevaux, quoi. Pas de certificat, pas de course. Putain, les gars, on est là pour passer un bon moment. Le gamin, il est venu, il s'est levé tôt ce matin. Enfin, il veut juste courir un peu, quoi, et prendre sa médaille et rentrer. Et toi, tu veux l'empêcher parce qu'il n'y a pas un bout de papier ridicule. Enfin... Yes. Bref. Je vois que y a quelques personnes qui parlent de certificat Photoshop. C'est assez drôle. Moi, je tenais juste à dire que moi, Photoshop, je trouve ça vraiment carrément surdimensionné, quoi. Mais attends, mais qu'est-ce que vous allez vous prendre la tête à Photoshop quand il y a Word, quoi. Quand il y a WordPad, quoi. Qu'est-ce ouais, même Word, quoi. Ouvrez juste WordPad et tapez un truc, je sais pas, moi. Arrête, Emile, on va se faire censurer, faut pas dire ça. Gunther Froh, il est médecin aussi. On va se faire censurer par la police de la course à pied. Je dis pas qu'il faut le faire, je dis, je comprends pas pourquoi certains éditent des documents avec Photoshop, c'est tout ce que je dis. C'est clair. Je comprends pas. Ok. Bon, est-ce qu'il y a eu d'autres questions qui sont passées là sur le chat? Du coup, j'ai pas suivi des thèmes qu'aurez-vous. Ouais, docteur Photoshop. Alors, il y a quelqu'un qui dit que le certificat de l'UTMB est imposé. Non, c'est faux. Enfin, c'est faux. Pardon. C'était faux en 2016. Ah ouais? Je ne sais pas si c'est le cas cette année. D'ailleurs, est-ce que quelqu'un veut une anecdote certificat médical sur l'UTMB? Ouais, vas-y. Vas-y. T'es là mardi. Attends, j'attends deux trois. Vas-y dans le chat. Sur le chat, histoire de voir s'il y a des gens intéressés. Non, je vais y aller quand même rapido. J'ai envoyé un certificat médical à l'UTMB qui était celui du marathon des Sables. Attends, je t'arrête tout de suite. Et Emile vient de dire non. Oui. D'accord. Donc c'est stop. Bon, on s'arrête. Top. Vas-y, ouais, pardon. C'est bon. On passe à la suite. Vas-y, maintenant, pour rattraper le tir, c'est trop tard. On change de sujet avant que ça arrive jusqu'au chat. Tu sais. Là, ça revient. Il y a des oui qui passent, il y a des oui. Bon, c'est bon, t'as gagné. Allez, oui. Le oui l'emporte. Non, mais Comme vous voulez. Hein. Moi, j'ai mon temps. non, bah, j'y vais parce que ça vaut le détour, je pense. Donc, je me pointe avec mon certificat du Marathon des Sables qui, lui, est un certificat normé en fait. C'est-à-dire que si tu n'arrives pas avec leur certificat à eux, tu passes pas. Ah ouais. Donc, en fait, dessus, il y a beaucoup plus d'informations requises que sur un certificat normal. Non, je maintiens, j'ai participé à la CCC en 2016, certificat est imposé. Oui, d'accord, donc il y a un template imposé, ok. Bon, bah, l'UTMB, c'était pas le cas, j'ai donné un certificat Word, ça a marché. Donc, ce que je voulais dire, c'est que je leur file mon certificat du Marathon des Sables. Dessus, il y a marqué, en plus de mes battements au repos, en plus de tout un tas de trucs, en particulier une mention sur le fait de participer à des épreuves sur plusieurs jours en conditions extrêmes, désertiques, avec risque de déshydratation et tout. Donc tout ça étant écrit sur le certificat, mais il y avait marqué une chose, il y avait marqué de course de marathon en compétition. Et du coup j'envoie ça à l'UTMB, il me le recale. Je dis mais pourquoi vous me recalez ça, ce truc qui nécessite je sais pas combien de tests supplémentaires par rapport à un certificat normal. Mmh. Il me dit c'est soit course à pied en compétition, soit athlétisme en compétition. Je dis mais d'où t'as vu que l'UTMB c'était de l'athlétisme ou quelque chose qui s'apparentait à de l'athlétisme. C'est clair. Le mec il me dit non mais c'est pas, je veux rien savoir, je veux juste un certificat course à pied en compétition ou athlétisme en compétition. Je me suis dit mais je lui ai dit au début je me suis accroché, je lui ai dit mais utilise 2 secondes ton brain, fais tourner un peu le bousin et dis-toi que là j'ai quand même fait des trucs plus importants, plus rigoureux que pour avoir un certificat du médecin d'à côté qui m'a tapé une fois sur le genou. Et le mec il m'a dit non, si tu me donnes pas un certificat athlétisme en compétition, tu fais pas l'UTMB. Et du coup qu'est-ce que j'ai fait? Bah j'ai ouvert Word, j'ai marqué athlétisme en compétition et je lui ai envoyé. Oh là là. Et il était content. Donc on peut faire l'UTMB avec un certificat où il y a écrit apte à le putain d'athlétisme en compétition. Alors si ça c'est pas du champion du monde, je sais pas ce que c'est les gars. Et ouais. Donc ça en fait voilà, comme quoi on a vraiment Run and Ride là qui nous met toutes les infos au sujet du certificat médical. Et donc bah écoute, en 2016 moi j'ai donné un certificat de merde où il y avait marqué athlétisme en compétition. Voilà, c'était pas obligatoire de faire autrement. Malheureusement, c'est toute leur histoire d'assurance et tout ça, et ils veulent à tout prix que tu aies les bons mots écrits, etc. Enfin, pour que chacun puisse se renvoyer la balle après s'il y a un souci, tu comprends. Ouais, c'est ça. C'est des histoires d'assurance, je pense, ouais. Effectivement. Mais bon, c'est ça. Il suffit de faire 100 mètres, il suffit de faire un petit peu de saut de haie ou du lancer de disque, et c'est bon, tu peux faire l'UTMB. C'est tout simplement, c'est aussi simple que ça. Ouais. C'est complètement et parfaitement logique. Bon, j'ai envie de faire un peu participer les bonitos là. Les bonitos, vous êtes là encore hein? Puisqu'ils sont là, j'ai envie de que ce soit à eux un petit peu de parler là. Donc. Non, c'est pas pour ça qu'ils ont pas voulu que je finisse UTMB. Ah ouais, d'accord. Dans le chat, on dit que c'est à cause de ça que Emir n'a pas pu finir l'UTMB. Bon, on va faire intervenir les bonitos, on va leur faire... Préparez-vous les bonitos. Ouais. Ligne de départ, on va lancer un quiz. Oh, un quiz? Un quiz. Un quiz. Il y avait les pizzas et les quiz. Les quiz. La quiz. Je suis un peu italienne, je sais pas. I'm jogging. Donc, 11 questions dans ce quiz. Le premier qui donne la bonne réponse sur le chat remporte un point. Et la dernière question compte triple. Ouais. Okay. C'est compliqué cette histoire. Qui compte les points? C'est compliqué. Donc, on y va. Qui c'est qui veut poser la première question? Ben, vas-y. J'y vais. Vas-y, David. J'ai pas le support. Ah, bravo, toi, t'es pas venu. T'es déjà pas équipé, toi. Déjà, encore, tu vois, je vais te faire un certificat avant chaque podcast. Alors, c'est parti, vous êtes prêts? J'arrive. Vous êtes prêts? Il y a Rémi qui nous dit qu'il est chaud patate. Attention. José Lito qui veut gagner un survêt UR. Ok. Mais il ne sera plus écrit UR dessus, malheureusement. The Run and Ride, qui veut savoir si vous prenez des compléments de type B12, mais on n'y répondra pas parce qu'on a lancé le quiz. On y répondra peut-être plus tard. On répondra après. Est-ce que vous êtes chaud? On est prêt? C'est parti. Qui a gagné l'UTMB en 2016? C'est parti les bonitos. Le premier qui répond à un point depuis chez vous. Ils ont un petit décalage. Et nous, on n'est pas comme ça. Hein. On autorise toutes les sources, hein, je veux dire. C'est long le décalage. Petit indice. Ouais, chez les hommes. On ne rendait pas compte. Il y a Emile qui nous a répondu. Daen. Stéphanie faux, de Monaco. C'est faux, ils ont tous faux. Léon qui dit faux. François Daen. Émile qui dit. Ah, on a un gagnant. Speed Fusion, là. Voilà. Speed Fusion 2 qui a dit. C'est Ludovic Pommeret. Qui a eu la bonne réponse. Bien joué. Speed Fusion 2, un point. Wushu Cage qui proposait Emir. Mais non, Emir, lui, il se fait rattraper. Emir, il s'est arrêté à la barrière horaire. C'est tout. The Run and Ride, Rémi, Joselito. Non, pas Joselito. Ils ont trouvé, là, mais un petit peu en retard. Donc, tant pis, les gars. C'était le premier. Ouais, ouais. Donc, bravo. J'ai dit Run Fusion, c'est ça? C'est ça. Non, un Speed Fusion, excusez-moi. Speed Fusion, un point. Speed Fusion 2. Ok, deuxième question. Donc, c'est moi qui la pose, puisque Emir n'a pas suivi. Qui a gagné l'UTMB en 2016 chez les féminines? C'est parti. Bah c'est Rémi qui a gagné en fait. Il l'a déjà proposé juste là. Il est trop rapide. Ah bah ouais, non mais. Ah mais il était trop en avance. Ouais, il était un peu trop en avance. Ah ouais, mais bon, il a gagné quand même. Je veux dire, ça, c'est un bonito. Il est bon lui, c'est tout. C'est vrai, il anticipe les questions. Il avait anticipé la question, donc c'est Rémi qui a le point là. Nicolas Rémi propose Neymar. C'est vrai que il y avait discussion. Enfin, voilà. C'était possible. Voilà. Alors. Joli, joli Rémi, comment il a anticipé. Bien joué là, franchement Rémi là. Presque ça vaudrait 2 points, mais non, quand même. On change pas les règles. Troisième question, vas-y David. Combien de fois Kylian Jornet a-t-il remporté l'UTMB? Allez les gars. On nous demande s'il n'y a pas conflit d'intérêt, mais c'est pas le même Rémi. Non, c'est pas le même Rémi. Non, c'est pas le. D'ailleurs, Rémi, ex jogging bonito, il vient juste nous. Ouais. Il est là. Hein, le voici. The Run c'est and ça. Ride. Un run and Ride qui a réussi la réponse là. Et c'est bon, c'était bien 3. 3 fois, donc en 2008, 2009, 2011. Et je rappelle qu'il ne le gagnera pas en 2017. À toi, Mardi. À moi. Quatrième question. À quel âge l'Italien Marco Olmo a-t-il remporté son deuxième UTMB? Attention, c'est dur ça. C'est dommage que j'ai pas le droit de jouer. Tu sais ça? Pas du tout. Vas-y, propose, tente. Vas-y, va. 60, okay. C'est pas ça. The Run and Ride propose 54, c'est 1052. Vous avez faux, les gars. C'est plus 67, non, 53, non. 67, c'est moins. Moins. Ah, Rémi, il a tenté un truc là. Rémi, j'ose pas prononcer le nom Rémi parce que je vais l'écorcher. Stepaniak. Ah, 58, Émile. 58, Émile, t'as gagné. Ah, mais il est trop fort en Google, Émile. Bien joué, mec. Ah, ben ouais, mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu, papa plus 7. Il a fait Siri, je pensais, c'est ça ce que j'allais dire. Je pense, il met Siri directement devant la question. Et Siri répond en live. Ok. Question c'est à toi, David. Ok, ouais. Allons-y. Qu'est-ce qu'il a dit, Nicolas? Il y a tellement de lag que Daddy vient juste de débuter sa chronique. Il n'y avait pas de chronique, c'était l'émission Jogging Benito 7, à mon avis. C'est ça. Alors, question suivante. Quel est le D+ annoncé sur l'UTMB? Allez. Trop facile. À 100 mètres près. T'es gentil, toi. Moins facile. Annoncé, moins facile. Je dis. Alors, les gars. Ah! Bah, direct, hein, je crois, là. C'est dommage, The Run and Ride est là, direct, là, c'est bon. Bien joué. Bah, c'est à 100 ouais, mètres près, mais c'est dit. Ce qui est annoncé. Et ce qui est annoncé, c'est 10 000. Voilà. Voilà. Donc, Run and Ride encore. Hein. Purée, là, ça fait 2 points pour Run and Faut Ride. Aucun effort. Oh, Rebecca nous a rejoint. Un petit coucou à Rebecca qui anime le podcast 2050, le podcast que je vous conseille. Eh, merci, coucou Rebecca. Mais du coup, tu es arrivé avec un dénivelé, Rebecca, mais C'était donc tu pas n'y es pas ça. là. Non, non, non, non. C'était pas Non, ça. non, là c'est Run and Ride, il a 2 points, il est à fond là, c'est bien. Qui avait gagné Sixième... la question sur Marco Olmo? Émile, c'est Émile. Émile, ben oui, c'est Émile, je n'ai pas son point. Non, bah ben ouais, non, attends. Donc a priori, pour l'instant, on a The Run and Ride qui a 2 points, donc ouais. Qui est seul devant. Mais ouais. Ouais. Attention, sixième question. Ah! Comment s'appellent les Indiens du Mexique dont on parle dans le livre Born to Run? Que personne ne connaît. Ah ouais. Ça c'est, allez. Ça manque d'un on petit mettra jingle. En post-prod. Faut que sur les ah prochaines ouais. productions, on ait on un mettra petit en post-prod. T'as pas un truc là, David? Ouais. T'as pas un truc dans ta chambre? The Run and Ride. Encore un point pour toi. Ouais, mais c'est bon ça. Il est bon lui, Run and Ride. Encore une fois, bien joué. Les Tarahumara, c'est ça. Les Pépitos. Nous proposons une fusion. Les Pépitos. Colanta nous propose Émile. Les Pépitos. Tiens, d'ailleurs, on le garde. D'ailleurs, il y avait un Tarahumara là, à la course que j'ai fait là. Ah, je croyais que tu parlais dans le chat. Non, je crois pas. Je l'inviterai la prochaine fois. Oui, Étienne nous dit les Rarámuri en vrai. Et c'est l'équipe jaune, c'est... l'équipe jaune contre l'équipe rouge. Ouais. Bon, okay. On reste là-dessus. Bravo, bravo à Run and Ride, hein, Run qui and prend Ride, là ouais, une qui embrouille. Prend le large. Et bravo à Fusion pour Pépitos. Ça part en live. Vas-y, David, c'était à toi. Okay. Question 7. Alors, qu'est-ce que ça aussi, ça va aller vite, je pense. Quel est le record du monde du marathon? Un petit indice, c'est pas moi. Alors. Oh, il y a Rémi qui fait son mauvais joueur là. Ouais, ça lag. Ben ouais. Ouais, bien Rémi sûr, Boudin. Ouais, les excuses tout de suite là. Rémi Jogging. Ça lag, je peux pas, je déteste perdre. Ah, oula. Ça propose quoi là? Il faut écrire correctement quand même. Hein. Les secondes, les gars, les secondes. Qu'est-ce qu'on prend? Est-ce qu'on prend les secondes aussi? Il faut les secondes. Ah, c'est Run and Ride qui l'a là. Ah, si on prend, ouais, si on prend les secondes, c'est Run and Ride qui l'a. Encore une fois là. Ouais. Il était là dès le début. Non, je suis désolé, c'est Hugo là. Il a écrit en hexadécimal. Mais... non, il propose. Mais c'est lui qui l'a écrit du coup. 2-0-2-57. C'est 57, donc c'est Hugo. Et ouais, c'est 57. Voilà, donc il faut savoir si. C'est le 57, c'est vrai, à 2 secondes près. Donc en et fait, ouais, c'est Hugo. C'est Hugo. Bien joué, mec. Hugo qui vient de se réveiller. Et on sait pourquoi il l'a, Hugo. C'est parce que dans son podcast, Les Carencés, il y a eu la même question dans le dernier épisode. Donc on donne le point, on compte les secondes. Donc on donne le point à Hugo, hein. On est d'accord. Allez, on donne à Hugo. Désolé, même, Run and Ride, de... mais c'est comme ça. Hein. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Ensuite. Et c'est ça. Autre question. Quel est le world record du marathon féminin? Est-ce que Rémi aura déjà... Rémi, les trucs féminins, c'est pour toi, on sait. Là, Rémi, il n'a pas pensé à nous enchaîner. Je crois pas, je l'ai pas vu passer, peut-être. Non, il n'a pas pensé. Émile, il essaye 42-192 à toutes les réponses, à toutes les questions. Est-ce qu'on prend les secondes? Parce qu'il y a The Run and Ride qui nous a donné la bonne réponse, mais... Ah bah oui, on prend oui, les on secondes, prend les gars, on prend les secondes. Les gars, on prend les secondes. Parce qu'on les a pris sur le premier. Ah, Speed Fusion, c'est bon. Speed Fusion. Speed Fusion. Ok. 2h15-25. Ouais, donc je pense qu'on fait un petit point sur les scores. Et Hugo, a priori, alors, Hugo, The Run and Ride, 3 points. Speed Fusion, 2 points. Et les 2 autres, points. 1. Speed Fusion et Run and Ride, là, c'est parti. Hein. Voilà. Ok. Autre question. Autre David. Question. Où on est sur... Et qui l'a commis ce record? On l'a dit, hein, c'est Paula Radcliffe. Ouais, on l'a pas dit, ouais, mais on l'a même pas dit pour le gars. C'est parfait parce que j'ai oublié de le noter. Denis Kimeto. Denis Kimeto, ouais, c'est lui. Voilà. En 2014. Qui est toujours et en vie, donc, je crois, le depuis. Record féminin, Paula Radcliffe, en 2003. Voilà. Alors, maintenant, quel est le record du monde du marathon Non. Catégorie 100 ans et plus. Ouais. J'ai plus la réponse avec moi. Moi, je l'ai. Tu l'as ? C'est parfait. J'ai pas entendu la question. Quel est le record du monde du marathon ? Catégorie 100 ans et plus. Mais t'es passé à notre dernière question, là, David. Pardon. T'as coupé. Parce que c'est la question triple, là, tu vois. Mais c'est pas grave. Du coup, c'est notre question triple. C'est la dernière. Tant pis. Bon, on dira pas les autres. Alors, ça lag peut-être chez moi. Peut-être reposer la question, ce sera plus simple. Émile, il a mis un autre tomate à 42. La question, c'est... Et la question triple, attention, parce que c'est la dernière, du coup. David est passé à la dernière. Quel est le world record du marathon catégorie 100 ans et plus ? La réponse B. Non. Kylian Jornet, non plus. Ah, peut-être, il nous le fera, 100 ans. Bon, il faut un chrono. Hein. Là, il n'y a personne qui est sérieux. Là, sur cette question, personne est sérieux. Ok, les gars, Siri, Wikipédia, là... Hugo, ça y est, Hugo, ça y est, là, c'est la pomme Léon qui l'a. C'est vrai ? Ouais. Alors, c'est combien ? 8h25, 16 secondes. De Foja Singh. 8h25. Voilà. Dis-moi. Et donc, du coup, elle avait bien joué. Hein. Attends, la pomme Léon, il remporte 3 points. Là, il remonte Ronan Bride, là, direct. Rebecca. Et ouais, parce qu'il a été bien plus réactif pour le coup. Donc là, ceux qui sont en connexion fibre, là, ils ont un avantage sur ça. C'est clair. À la loose. Rémi pense que c'est Jeanne Calment. Chez les femmes. Parce qu'il anticipe chez les femmes. Voilà. Ah. Mais du coup, on a un ex-écho. Qu'est-ce qu'on fait ? On pose une question intermédiaire ? Non, on n'a pas d'ex-écho. Il y a The Run and Ride qui est tout seul devant. Et non, parce que la pomme Léon, il a répondu à la question triple. Ah oui, exact. Eh oui. Il n'y a pas d'autres questions ? Et on en avait d'autres, donc on peut toujours en poser une pour... Vas-y, pour, je t'en prie. Partager, tu vois, départager le match, là. Ah, la question subsidiaire. Et la question subsidiaire. Vous êtes prêts ? Je vais la poser. Quel est le world record du 100 km féminin ? C'est parti. Oh, là, c'est le... C'est donc, c'est pas Jeanne Calment. Le plus rapide. Rémi. En déambulateur. Ah, attends. Non, sans déambulateur, sans bâton. Il y a la pomme Léon qui nous dit que c'est lui qui avait répondu sur les victoires de Kylian Jornet en premier. Non, j'hallucine les contestations tout de suite, là. Il y a une contestation, je ne sais pas. Moi, j'avais marqué Run and Ride. Hein. Ouais, moi aussi. On vérifiera. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on nous propose ? 10h51, 12 secondes. C'est pas ça, c'est moins. C'est pas ça, non. On veut les secondes, on veut tout. Non. Allez, c'est bien dans les 6 heures. Non, c'est pas bon. On n'y est pas. C'est pas loin, les gars. Pas 6h19. C'est plus. C'est dans les 6 heures. C'est dans les 6 heures, mais plus que 6h19. Ouais, Rebecca. Mais de toute façon, là, on va dire que la question, elle compte pour 10. Double ? Voilà. Ah, 10. Ah, carrément, toi, tu vas fort. Ah, ça y est, on l'a. Et ouais, mais c'était entre les deux qu'il fallait les partager. On a la bonne réponse. On est con parce que c'est quelqu'un d'autre qui a trouvé. C'est quelqu'un d'autre qui l'a trouvé. Mais il a gagné. Il a gagné si ça compte 10. Ben oui, je peux pas. J'ai try qui vient d'arriver. En plus, et voilà, il a gagné. Ça, my drop. Joli. Bien joué. The Run and Ride, il nous a donné la réponse du world record 100 km, mais masculin. Ah. Ouais. J'avais dit féminin. Ouais, féminin. Je suis désolée. Donc on a la réponse. Et c'est oui, on a la réponse par donc j'ai dit non, je peux pas, j'ai Trail qui vient de remporter du coup le quiz qui vient d'arriver, qui vient de tout remporter puisque tu nous as dit que la question comptait 10 points. Alors la record woman du monde est la japonaise Tomoe Abe. C'était en 2006 et sa fiche Wikipédia dit qu'elle mesurait 1m49 pour 38 kg. Eh ben. Impressionnant, n'est-ce pas ? Voilà. Mais ouais, ça c'est du gabarit. Bah du coup, écoutez, on a notre grand champion du quiz Bodinto. C'est je peux pas, j'ai trail. Bien joué. Mais il y a Ron and Ray qui est pas d'accord. Bon allez, on peut dire que c'est Émile le vainqueur. Parce que c'est mon pote. Est-ce que j'ai laissé passer des sujets qu'avaient proposé les Bonito là sur le chat avant? J'ai pas l'impression. Ou alors on les dit pas parce qu'ils sont complètement inintéressants. Non. Ils ont juste demandé pour les vitamines B12. Hein. Ah ouais, c'est vous voulez répondre. Droit de réponse. Donc oui. Complément vitamine B12 en tant que vegan, il faut en effet toujours. Tout à fait. Donc course ou pas course, hein, évidemment. Ouais. Si vous êtes végétalien. Si vous n'êtes pas végétalien, c'est pas mal, mais c'est de la prudence. Ouais. Je note d'ailleurs qu'en France, tous les trucs, tous les produits vegan ne sont pas forcément complémentaires en B12, ce qui est pas le... C'est quasi jamais le cas. Ouais. Alors qu'aux États-Unis, c'est quasi jamais le cas. Salé. C'est dommage. Voilà. The Run and Ride, je m'appelle Emir, hein, c'est avec un R, juste pour info. Ah ben tiens, justement, là-dessus, on te demande, est-ce que c'est pas contradictoire, est-ce que c'est pas contradictoire avec une alimentation naturelle, là? La question qui revient toujours, prendre de la B12? Je ne trouve pas, mais du coup, pourquoi est-ce que ce serait contradictoire? J'ai un peu de mal à comprendre. Tu veux dire que le fait de prendre un complément alimentaire... n'est pas naturel, c'est vrai, oui. Non, mais quelle alimentation est vraiment naturelle aujourd'hui? C'est un petit peu aussi ça. Il faut dire que les non-végétaliens sont... ils ont leur compte de B12 par la viande notamment, mais il faut savoir que la viande, ils sont injectés de B12 aussi. Hein. Certes. Maintenant, il y a très très peu d'alimentation naturelle aujourd'hui, je pense. Hein. Ça, qu'on se le cache pas. Trouver de l'alimentation naturelle, c'est-à-dire brute, comme elle était à l'origine, ça, c'est pas possible. Ça n'existe pas. T'es obligé de faire avec tout un tas de variables, avec tout un tas de produits industrialisés. Enfin, tu rencontres quelqu'un qui mange pas de produits industrialisés, c'est quasi pas possible, quoi. Donc non, le fait de venir se complémenter avec telle ou telle chose, c'est une prudence. Je pense pas qu'on devrait se le refuser. Comme on se refuse pas de se brosser les dents avec du dentifrice, par exemple. C'est pas quelque chose de naturel. C'est un exemple comme un autre, hein, évidemment. Mais je pense qu'il faut faire avec les moyens qu'on a aujourd'hui pour s'alimenter convenablement, que ça soit naturel ou moins naturel. Mmh. Ok. Je vais juste ajouter un petit commentaire qui m'a beaucoup fait rire de notre ami Rémi NFKB, qui précise que lui, il a déjà obtenu un certificat médical chez un gynécologue. Non, j'adore, j'aime beaucoup. C'est vrai, c'est un vrai fact. Donc voilà, ça m'étonne pas de lui en même temps. Et je précise que on s'est déjà vu dans la vraie vie avec Rémi. Voilà. Ok. Peut-être que les Bonito peuvent nous suggérer, nous faire des suggestions de choses qu'ils écoutent. Pendant leur course, ou même vous, si c'est pas de la musique, ça peut être des podcasts. Moi, je n'écoute rien du tout. Tu n'écoutes rien. N'écoutes que les bruits de la nature, les feuilles, le vent. C'est vrai en plus. Tu écoutes le soleil. Je suis une puriste, moi, monsieur. C'est trop beau. Voilà. Alors, j'écoute Jogging Bonito, nous dit Étienne. Alors, voilà la réponse ultime. Voilà. Du Stromae, on nous cite du Stromae. Excellent. Moi, Stromae, ça me rappelle de beaux souvenirs. Ouais, moi aussi. Peut-être, nous, on peut vous faire des recommandations. Moi, je vous recommande une chose, c'est le podcast qui sort très, très, très peu souvent, à savoir celui de Rémi NFKB. Qui nous a sorti un épisode sur son vélo taf de NFKB qui est disponible sur son cloud, où il nous a sorti donc un épisode qui parle pendant une dizaine de minutes des habitudes et des hasards. Voilà. Donc j'ai trouvé ça hyper excellent intéressant. Épisode. Avec pas mal de sources. Donc il y a de quoi se documenter sur la question. J'ai trouvé ça hyper inspirant et je vous invite à... On pourra mettre quelque part le lien vers cet épisode. Dans la description du live, on pourrait ajouter des parfait. Liens. Effectivement. A posteriori. Moi, je retiens... je peux pas, j'ai Trail qui dit j'écoute les beats de ma Garmin Et Mr. Bakishu qui dit la voix de l'appli qui te dit d'accélérer alors que t'es un peu flou. Ouais, c'est ça. Ensuite, il y a donc. Il y a qui encore je sais pas si José Lito a voulu dire ça, mais il y a l'école des facs qui est aussi un podcast sur les technologies, grosso modo, on va dire, qui est hyper intéressant. Qui est passé à l'heure d'ailleurs. Exactement, live, ils sont passés. On le salue. C'était peut-être Rémi d'ailleurs, donc on les salue. Bon, voilà, on peut vous conseiller bien sûr le Riviera Détente avec qui on échange beaucoup. Non. On n'est pas tous d'accord sur la question, c'est vrai. Non, sauf si vous prenez de la drogue. Oui, alors donc allez-y. C'est ça. Mais sinon, non. Sinon, qu'est-ce qu'on peut conseiller d'autre Émir, tu t'es mis à écouter un peu des choses là en courant ou pas ces temps-ci? Oui, alors j'écoute. Alors moi, je veux juste mettre un petit rebondir sur la suggestion de Rémi des podcasts de rugissement de Lyon. Ça me paraît vraiment excellent comme truc. Non, en ce qui me concerne, j'écoute des choses assez classiques. Hein. J'écoutais C'est cool, c'est quoi, qui est produit par, je crois, les mêmes que Studio 404, le même studio de podcast. C'est cool, c'est quoi, j'aime bien parce que c'est un. En fait, ça parle de passions diverses et variées. Et en fait, c'est quelqu'un qui invite des passionnés d'un sujet. Et du coup, tu écoutes des sujets, à la base, tu sais même pas ce que ça veut dire, ce sujet. C'est des choses, tu débarques. Et en fait, ça ouvre vachement l'esprit. Donc, tu t'aperçois que tout sujet peut être intéressant pour certaines personnes. Donc ça me plaît pas mal. Sinon, Studio 404, enfin, j'ai envie de dire évidemment. Et j'écoute aussi, bon, ça me paraît évident, mais j'écoute Les Carencés, qui est un podcast que j'écoute en courant, donc dont Hugo qui est là et Guren, je salue, font partie, qui en fait est un podcast qui traite de la cause animale et du véganisme. Donc comme c'est quelque chose qui me tient à cœur, j'écoute aussi ça. Je crois que c'est à peu près tout ce que j'écoute en termes de podcast. Sinon, de la musique diverse et variée. Il y a nos amis aussi de Podcast Store qui sont bien utiles pour trouver des choses à écouter. Donc, ils parlent des autres podcasts, justement. Donc, il y a un tas de recommandations qui sont très intéressantes. Et en termes de musique, moi, je vous conseille le dernier Brockhampton, donc, qui est un groupe de rap qui se trouve en Californie, dont l'un des leaders s'appelle Kevin Abstract, qui est un petit phénomène du moment là, là-bas. Et donc leur dernier album qui s'appelle Saturation 1 et 2 d'ailleurs. Donc ils sont hyper productifs et ils produisent des clips et des titres vraiment à tire-larigot, pour employer une expression des années 80. Et donc je vous les conseille. Voilà. Ok. Et on conseille fortement aussi le podcast de prospective de Rebecca qui est avec nous sur le chat. Très bon podcast. Pardon, à parté complètement, je découvre que Rebecca, qui est dans le chat, a une chaîne YouTube. Ok, très bien. Je vais aller visionner. Je pense que c'est des épisodes du podcast. Ah non, c'est pas du tout ça. Des épisodes du podcast qui sont uploadés. Donc je vais aller jeter un œil. Voilà. Le podcast s'appelle 2050, hein, c'est ça? Non, là, tout va bien, on confirme, c'est bien ça. C'est ça, il s'appelle 2050 2050 le podcast. 2050 le podcast, allez, allons jeter un œil sur mon curieux. Alors donc on te laisse écouter un épisode et pendant qu'on continue l'émission, c'est ça? Non, pas là tout de suite. Non, parce que là... Ah, ce sont des teasers sur YouTube, nous dit Rebecca. Oui, c'est hashtag 2050. Teasers. Non, parce que... Là, salut, tout Emile. De suite, hein, bah, il se fait tard, il y a des bonnetos qui s'en vont, c'est oui, normal. C'est vrai. Il est quoi? Il est oui. 11h30 chez vous, c'est ça? 11h30. Ouais, il est 11h37, donc, exactement. Bon. On serait bien restés encore ensemble, mais bon, il est tard quand même pour tout le monde. Donc on va devoir se quitter. Ça a été un bon moment pour nous, je pense. Hein. Non? Complètement. Ouais. Ah bah magnifique, moi j'ai beaucoup apprécié ce format, ça m'a énormément plu de pouvoir lire en live les choses. Alors je sais pas si le ressenti est aussi bien côté écoute, côté audition que côté production en quelque sorte. J'espère que c'est le cas parce que pour moi c'est génial quoi. lire les contributions et pouvoir rebondir dessus, ouais. C'est top. Je pensais pas qu'on arriverait à, un tel niveau d'interactivité, ça me fait très plaisir. Après, c'est dommage qu'il y ait du décalage, mais bon, ça... Oui, bon, on pourra toujours peaufiner la... Il y a peut-être des moyens pour qu'il y ait moins de décalage, mais c'est pas évident non plus avec les connexions Internet d'armes entières. Je sais pas si on peut faire grand-chose. Moi, pour ma part, je remercie... j'en profite aussi pour remercier Ludovic. Ludovic Derpion sur Twitter qui nous a mis en homepage sur son blog. Voilà, même si c'est un blog, c'est pas grave, il nous a mis en homepage. On remercie beaucoup, c'est très gentil de sa part. Ah, c'est cool, ouais. Ludo, merci beaucoup. Et donc, ouais, voilà. Moi, je suis très heureux d'avoir fait ce live avec vous, les amis. Ouais, on espère en tout cas que ça a plu aux Bonito aussi. On remercie vraiment chaleureusement tous les Bonito qui sont venus se connecter, qui ont partagé avec nous sur YouTube. Ouais. C'est clair, merci beaucoup. Je peux pas, j'ai trail, tu passeras le bonjour à ton chef, du coup. Les petites étoiles, n'oublie pas, pour nous faire, faire connaître. On se dit à bientôt, on n'oublie pas les étoiles sur iTunes. On se retrouvera bien évidemment pour un nouvel épisode à la rentrée. Et on se dit à très bientôt, voilà. Bonne rentrée à tous. Ça marche. Ciao, merci ciao. Merci énormément pour votre écoute, merci bisous beaucoup, c'était un grand kiff. Bisous à tous. À très bientôt, les amis. Ciao. I'm chugging. I'm chugging. I'm chugging. I'm chugging. I'm chugging.